et bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans le Fantastic Cast, le podcast qui, une fois sur... de temps en temps, vous parle de cinéma fantastique. Je suis Corentin, et bien évidemment, Roman est là. Comment ça va? Mais ça va bien, et toi? Mais ça va très bien, on se retrouve enfin pour un épisode après une longue période de creux. Évidemment, quel est l'emploi du temps de deux personnes n'est pas toujours simple, surtout quand les deux sont étudiants. Mmh. Mais bref, on est de retour, et on est de retour pour un épisode plus light, plus léger que d'habitude. On va pas vous parler de ces films, on va vous parler de beaucoup plus, et en même temps avec un petit peu moins de détails, dirons-nous, puisqu'on va vous parler de films d'exorcisme. Alors, l'épisode était à la base prévu à l'occasion de la sortie de l'exorciste Believer, sorti il y a maintenant quelques mois. Dévotion en France. Dévotion en France, exactement. Mais voilà, du retard, et finalement, on va pouvoir en parler finalement à froid, ce qui finalement est peut-être la meilleure façon de parler de cette merde. Mais donc voilà, on va également dévier plus globalement sur les films d'exorcisme. On a quelques noms à vous donner, enfin bref. Vous allez voir, toi, Roman, finalement, la saga L'Exorciste, puis pour qu'on plonge directement et qu'on ne perde pas de temps. La saga L'Exorciste, qu'est-ce que ça représente pour toi? Comment tu l'as découvert? Qu'est-ce que cette saga est pour toi? Et bah, comme tout le monde, je l'ai découverte avec le film de Friedkin. C'est-à-dire que je connais pas... Personnellement, je connais personne qui l'a commencé avec autre chose. Je découvre le film, j'ai 13 ou 14 ans. C'est un été chez mes grands-parents parce que mon père ne veut pas que je voie le film seul. Ça peut se comprendre, remarque. Mais donc, je le vois avec mes grands-parents et... En vrai, je trouve ça sympa, mais quand même un peu beaucoup chiant. En même temps, le mois de 13-14 ans était encore moins tolérant que maintenant sur tout ce qui est les questions de rythme, tout ça. Bref, j'étais con, je suis toujours con, mais un peu moins. Et donc après ça, je découvre, je me chope un coffret trilogie en DVD. Donc, soit. Je découvre donc le 2 et le 3. Le 2 que j'aime vraiment pas quand je découvre, et le 3 que j'aime beaucoup quand je découvre. Les avis ont un peu changé sur un des films, pas sur l'autre, vous verrez. Et je découvre du coup les deux préquels, L'Exorciste au commencement et Dominion pour l'occasion de ce podcast, et L'Exorciste Dévotion en salle récemment. Bah écoute, de mon côté, L'Exorciste, ça a été un film que j'ai découvert, je me rappelle, un été, c'était post-Covid. J'ai découvert sur le tard L'Exorciste, j'ai longtemps remis, parce qu'en fait, c'est un de ces films sur lesquels on sait tellement de choses avant de le voir qu'on repousse un peu le moment de visionnage. Et que j'ai vu en salle, lors d'une de ses ressorties, et j'avais pris une sacrée claque à l'époque, je me rappelle, il y a quelques temps maintenant, mais je me rappelle d'un élément, c'est qu'on entre dans la salle, il y avait pas mal de gens qui parlaient, qui faisaient leur vie pendant le film. Et lors des premières scènes un peu inquiétantes dans le désert, etc., paf, ils ont arrêté de parler à ce moment-là. Je me rappelle de cet effet-là où je me suis dit, ah, quand même, il se passe un truc. Et donc voilà, donc, j'ai vu le 1, j'ai vu le 2 peu de temps après, j'ai vu le 3 très peu de temps après, parce que je vais en reparler, mais la fausse deuxième suite de l'exercice, je suis très très fan de la 9e configuration. Et ensuite, j'ai longtemps repoussé le visionnage du 4 et du 5, enfin du 4 et du 4,5. Tu vois qu'ils ont des histoires assez cabossées. On vous invite à aller lire sur le sujet, c'est assez passionnant. Nicolas Delage a fait une vidéo dessus. Très intéressante. Et Écran Large a écrit un article sur le sujet. Mais bref, c'est vraiment, vraiment assez passionnant. Juste un truc, je l'ai pas dit, mais quand je découvre L'Exorciste, c'est la version telle qu'elle est sortie en France à l'époque. La version L'Exorciste 3. Non, pour le 1, je veux dire. Ah, donc la version cinéma. Entre la version pas la version Director's Cut, c'est 2000. C'est pas une Director's Cut, en fait, c'est la version telle qu'elle est sortie en Europe. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'une version qui dure 2 heures, là où le film original fait 2h10. Mm-hmm. Et moi, je découvre le film parce que mon père avait un DVD qui datait d'avant 2001. Parce que quand le film ressort en France en salle en 2001, il sort dans la version intégrale. Le DVD de mon père datait d'avant ça. Moi, je découvre le film comme ça. Et plus tard, je le découvre, pour l'occasion, je l'ai revu en Blu-ray, dans un remaster et en version intégrale. Donc, découverte de cette version-là pour le podcast, en l'occurrence. Mais tant mieux, et récemment du coup L'Exorciste Dévotion que j'ai vu en salle et qui m'a profondément énervé. Et évidemment, un film d'exorcisme qui en a quasiment autant que les slashers en fait, hein, c'est vraiment un bon gros marronnier. Mais bref, attaquons rapidement, alors l'épisode va se décomposer en deux parties. On va d'abord rapidement parler de la sortie de L'Exorciste. On va d'abord rapidement parler de la sortie de la saga L'Exorciste, en parlant rapidement de chaque film. Le but, c'est pas de faire un historique de chaque film comme ce qu'on fait d'habitude, mais plutôt de donner un avis, de discuter rapidement, tranquillement autour de chaque film, pour ensuite aller plus rapidement sur le film d'exorcisme en général. On a quelques noms à donner, on en a même plusieurs à donner. Enfin bref, vous allez voir, Roman, j'ai envie de te demander, toi L'Exorciste, vu que tu l'as revu pour le podcast, est-ce que ton avis a changé peut-être? Est-ce que aujourd'hui tu es plus tolérant à cette proposition de William Friedkin, qui alors... a été longtemps... Hein, un des films le plus rentables de tous les temps, je crois qu'il est encore aujourd'hui. Alors, En tout cas, en termes d'horreur, en France, c'est le plus gros succès de l'histoire, même sans compter la ressortie, parce que rien que la ressortie en 2001 fait 1 500 000 entrées. C'est colossal, 1 500 000. Et de base, la sortie. Alors, le film sort en France en 75, je crois. Et en 75, il fait 6 500 000 entrées. On est sur le plus gros succès de l'histoire de l'horreur pour un film en France. À l'international, on est sur le deuxième après ça. Le film de 2017. C'est-à-dire que pendant 44 ans, il reste le plus gros succès de l'horreur. C'est monstrueux. Enfin, s'il n'est pas, si, si pas deuxième, il est troisième. C'est vraiment monstrueux. Et donc, évidemment que je suis plus tolérant maintenant. Après avoir vu bah, évidemment plus de films que quand j'avais 13-14 ans. Après avoir ingéré d'autres façons de faire. Après avoir expérimenté, encore une fois, d'autres styles de mise en scène. Parce que le moi de 13-14 ans est un peu con. On est tous cons à 13-14 ans. Hein, on va pas se mentir. Corentin, tu étais con. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Et évidemment que je prends plus de plaisir maintenant. Même si j'ai quand même un peu de mal avec la première moitié du film, disons, je trouve. Même si elle sert à exposer les personnages et à créer de l'attachement, parce que du coup, que ce soit pour Meryn, surtout pour Karras et pour Regan, on est attaché à eux. Et pour la mère aussi, j'ai plus son nom à la mère, mais. Je l'ai pas non plus. Bref, Ellen Burstyn, voilà, la grande Ellen Burstyn. On s'attache beaucoup à eux à cette première partie, même si du coup je trouve que le rythme en pâtit un petit peu, même si c'est totalement compréhensible avec ce qu'essaie de faire Friedkin, c'est-à-dire un film sur quelque chose qui dépasse l'humain, mais très humain au final. Je trouve ça très intéressant. J'aime beaucoup la dernière heure, les dernières 45 minutes, quoi, le dernier tiers du film. Bah, l'exorcisme en fait. C'est ça, la partie exorcisme qui est, là, je pense, le pinacle du film. Je pense même pas que ce soit 45 minutes, hein. Je pense même que c'est plus court. Ouais, ça doit être plus court, ouais. Bah, ah non, parce qu'il y a des pauses entre temps aussi, il y a les discussions avec la mère, il y a tout ça. Il y a. Bon alors. Le film a quand même. J'ai la flemme de faire une soustraction maintenant, donc. A beaucoup d'années, donc. Divulgachage oblige. Oui, là, on s'accorde le droit de nouveau de spoiler comme des C'est ça. bâtards. C'est une rétrospective sur une saga qui a quand même bah, 73, donc. Qui pour l'épisode le plus récent, alors hormis le tout dernier, l'espèce de legacy sequel de merde récemment, a quand même plus de 20 ans, donc on se le permet, on se le permet. On se le permet. Bah, ça meurt. Ça meurt beaucoup. Mais donc, ouais, pour ce qu'il essaie de faire, c'est-à-dire créer bah, beaucoup d'attachements sur les personnages, c'est quand même très réussi, surtout quand on sait ce qui leur arrive à la fin. C'est-à-dire que bah, ça finit pas bien pour beaucoup de personnages. Et sincèrement, j'aime beaucoup la fin. Enfin, la fin, vraiment le dernier tiers du film. Moi, L'Exorciste, c'est un film dont. Alors, je l'ai découvert quand je connaissais pas vraiment l'œuvre de Friedkin, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais plus innocent. Quoique, je me demande si j'avais pas déjà vu Police Fédérale Los Angeles. Moi, je sais que j'en avais vu aucun. Entre-temps, j'ai vu Police Fédérale Los Angeles et Sorcerer, les deux en salle. Sorcerer, je l'ai découvert très récemment, c'est-à-dire hier. Mais très très bon Sorcerer. Et Police Fédérale Los Angeles, séance présentée par Laurent Duroche. Bah, Incroyable. je suis à peu près sûr. Bah, je sais plus si j'ai vu Police Los Angeles avant ou après. Mais en tout cas, je me rappelle avoir pris une sacrée claque sur le moment. Je me rappelle que dès cette scène d'intro, il y a un espèce de mystère prenant qui s'installe et qui est assez insidieux, où il se passe pas grand-chose. Et en même temps, on sent, nous, spectateurs, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui arrive. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, qui est vraiment resté, qui est vraiment assez prenant, qui m'avait beaucoup marqué lorsque je l'avais vu en salle, donc c'était la version longue. Donc il y avait la scène de l'escalier, etc., etc. Et c'est un film dont je garde vraiment. Alors à nouveau, je garde pas tout en tête. C'est pas non plus un film que je mourrais sur une colline, où je mourrais sur une colline pour le défendre. Mais c'est un film dont je garde vraiment des images extrêmement fortes. À nouveau, bon évidemment, toute la dernière partie sur l'exorciste, enfin sur l'exorcisme à proprement parler, est vraiment quelque chose qui m'a profondément marqué. Le reflet de Pazuzu dans le miroir. La scène de l'escalier, etc. Ah, même les flashs de Pazuzu, en fait, tout au long du film. Ah oui, c'est vraiment des images qui restent marquées avec tout le discours de Friedkin qui est vraiment un. Enfin, moi, c'est vraiment un film qui m'intéresse plus théoriquement que ce que je peux y être bah, attaché, on va dire, émotionnellement. C'est-à-dire que c'est un film que j'adore décortiquer, j'adore lire des choses dessus, j'adore apprendre des choses dessus. Mais je sens pas forcément le besoin de le revoir, on va dire, régulièrement. Et en témoigne tout simplement le fait que Je pense que tu préférais le 3, que je trouvais un peu plus didactique, un peu plus, je vais pas dire plus fun, c'est pas vraiment le terme, mais on va dire plus cinématographique. J'allais y venir quand on allait parler du 3, mais évidemment, enfin, effectivement, je préfère le 3 aussi. Bah, on va dire le 3 a le mérite pour lui d'être un peu plus dynamique, peut-être, parce que on va dire que du 1 qui n'est pas vraiment très cinématographique, c'est une erreur de ma part, parce que Friedkin, bon, la mise en scène du 1 est à peu près inattaquable, mais on va dire que ouais, je trouve que le 1, il y a quand même un petit problème de rythme malgré tout. Mais je reste. Eh bien, ça reste un très grand film, moi j'avoue. Je passe assez rapidement dessus parce qu'en fait, ça fait partie de ces films un peu comme Zombie de Romero ou je sais pas, 2001 de Stanley Kubrick. Il y a tellement de choses qui ont été dites, j'aurais presque peur de bafouer un héritage déjà mis en place que de vraiment tenter d'ajouter vraiment quelque chose. Je suppose qu'on place le fait que le 1 est un chef-d'œuvre, ça c'est un fait, c'est un film qui a marqué l'histoire du cinéma évidemment, et qu'on passe sur le 2. Alors, j'ai juste un léger truc à dire sur le 1. Ça m'arrive assez souvent de faire des suggestions de d'autres critiques, que ce soit vidéo ou podcast sur l'horreur. Déjà, le podcast de Nicolas Delage et Caméflex sur l'exorciste Dévotion, où ils font un retour sur la série L'Exorciste, allez-y. Et très récemment, c'est la vidéo de Drawer sur l'exorciste et sur le sous-texte pédophile de l'exorciste. C'est-à-dire tout ce qui concerne la pédophilie, enfin la dénonciation de la pédophilie dans le film L'Exorciste, avec notamment le personnage du réalisateur qui s'appelle Burt ou Burke, j'ai un doute sur son nom, mais en gros, il a été retrouvé mort, tombé de la fenêtre de la chambre de Reagan. Qu'est-ce qu'il foutait dans la chambre de Reagan? C'est un mec qui parle beaucoup de cul pendant tout le film, pendant tout le début du film où il est encore vivant, et il y a tout ce sous-texte-là qui peut aussi dénoncer Hollywood, d'une façon, vu qu'il est réalisateur. Une église catholique, Et hein, voilà. disons-le. Ça, ce sera pour le 2. Et ça, je renverrai, je le fais maintenant, tant qu'à faire, à la vidéo, la très bonne vidéo de Az l'Épouvantail sur L'Exorciste 2. Vraiment, allez-y, parce que c'est un regard qu'on n'a pas l'habitude de voir sur ce film. On y viendra en temps voulu. Après, sur toute la saga, l'excellent podcast d'écran large en deux parties sur toute la saga en général, auquel on peut également vous renvoyer. Mais justement, sur le 2, donc, qui était réalisé par John Boorman. Alors, John Boorman, qui est un très grand réalisateur américain, qui a fait le chef-d'œuvre Deliverance. Excalibur. Excalibur, c'est lui qui a fait La Forêt d'Émeraude aussi, je Je crois, qui est un très crois. bon film. Mais voilà, alors, le 2, je l'avais découvert rapidement après le 1, et mon premier réflexe a été de se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Moi aussi. Et bah, dans les faits, en fait, c'est un film, comment dire, c'est un film que je trouve très particulier. C'est-à-dire qu'il y a quelques images à nouveau qui me restent, à nouveau les images de découverte du temple, certaines images de confrontation mentale entre guillemets entre Regan et d'autres personnages. Mais pour moi, j'ai tout le problème du film repose sur le fait que l'actrice de Regan n'est pas bonne en fait. L'actrice de Regan est très mauvaise. Et quand on essaie de te faire reposer tout un film sur ça, y compris un film émotionnellement parlant, enfin, qu'on essaie de te faire reposer le cœur émotionnel du film sur une actrice aussi médiocre, bah le problème c'est que ça ne tient vraiment pas. Et il reste quelques images, mais j'avoue que L'Exorciste 2, moi c'est un film que je n'aime pas beaucoup. Alors, c'est un film que j'aimais pas beaucoup quand je l'ai découvert. Et alors, j'ai vu la vidéo de Az avant de le revoir. Et Moi je l'ai pas j'ai. encore vu, j'avoue. Alors, du coup, c'est une vidéo où il parle de tout. Bah, encore une fois, de pédophilie. Encore une fois, mais cette fois du point de vue de l'Église. Et avec en fait la pulsion, enfin, toute l'histoire de la lutte entre nos pulsions de bien et de mal à l'intérieur de nous. Je suis pas d'accord avec tout, ça c'est sûr et certain. Mais. Si on regarde le film avec ce prisme-là, ça a vraiment un sens, surtout quand, encore une fois, il est question d'enfants possédés. C'est très. Enfin, dans la série L'Exorciste, on a assez souvent des enfants, que ce soit dans le 1, dans le 2 ou dans les deux préquels, et dans Dévotion. Il n'y a que le 3, mais il n'y en a pas. Mais c'est quasiment tout le temps des enfants possédés. Et c'est pas pour rien quand on connaît le passif de l'Église catholique. Après, oui, le 2 a de gros problèmes, et le fait aussi que Linda Blair refusait catégoriquement de se faire maquiller sur le 2. Ah bah ça aide pas. Voilà. Non mais en fait le problème que j'ai avec le 2 c'est qu'il part sur un point de vue super super original et vraiment qui peut apporter un certain dynamisme. Au niveau l'idée de retrouver dans le passé de Linda Blair et de Regan et donc d'aller dans une espèce de confrontation mentale entre cette ancienne possédée et un prêtre. Mais elle en fait vraiment rien, elle en fait pas grand chose, enfin le film en général en fait pas grand chose. Et donne un espèce, ouais vraiment pas de nanar mais de film très imparfait, je veux dire. En fait, c'est. Je sais que sur le film, enfin, j'avais lu sur le film qu'ils avaient eu une liberté de production totale. Et quelque part, ça m'étonne vraiment pas. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui a pas du tout été accompagné, qui avait une espèce de folie créatrice totale. Bah, enfin, c'est simple, mais à titre de comparaison, il sort à peine 4 ans après le premier L'Exorciste, ce qui était très rare à l'époque. Hein. L'Exorciste 1, c'est 73. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Oui, mais on parle de 70, c'est-à-dire que le premier, c'est 73, le 2, 74, 77. Vraiment très rapproché. Ouais, mais du coup, ce qu'il en reste, c'est un espèce de produit où. Enfin, honnêtement, on comprend pas grand-chose à l'histoire. En tout cas, moi, j'avoue, j'ai pas tout compris. Et même dans ce qu'on comprend, moi, vraiment, c'est pas. Ça veut dire, c'est pas un film qui m'intéresse beaucoup. C'est un film qui a du mal à me garder éveillé. Parce que c'est un film qui manque. On va dire, si jamais il veut essayer d'aller dans le choc, bah, il a pas vraiment d'argument de son côté. Il peut pas vraiment surfer sur l'exorciste. Enfin, sur le. Ce qui avait initié l'exorciste 1. Après. Pour sa défense, entre guillemets, effectivement, c'est un film qui ressemble à pas grand-chose d'autre. C'est un film qui est pas vraiment dans la suite du 1, qui est pas vraiment dans la continuité du 3, qui est un peu entre les deux, mais qui a définitivement la patte de son auteur. John Boorman, c'est quelqu'un qui aime se confronter au sublime, qui aime se confronter, on va dire, à quelque chose qui dépasse l'homme. Et là, dans ce film-là, il essaie de filmer des choses, de filmer et d'apporter une certaine mythologie à la saga. Mais honnêtement, pour moi, c'est. Ça apporte pas grand-chose au final. Ça a beau peut-être avoir un sous-texte passionnant. À nouveau, n'ayant pas vu la vidéo, n'ayant pas vu quoi que ce soit qui me semble évident de ce point-là. Mais c'est pas un film qui m'intéresse tant que ça, très honnêtement. C'est clairement un de ceux que j'aime le moins. Non. Ah, moi j'ai ma petite idée sur celui que j'aime le moins. Il est, disons qu'il est au milieu. C'est-à-dire qu'il y a eu des films après. C'est-à-dire que, mais dans la trilogie de base, c'est celui que j'aime le moins, c'est sûr et certain. Magnifique transition pour aller. Vers le 3, qui est mon préféré. Moi Alors, le aussi. sens que le 3 a deux versions, parce qu'en fait. Alors, c'est simple. L'Exorciste, c'est une saga assez particulière, puisque c'est une saga qui, à chaque fois, est drivée par un auteur, tout en faisant en sorte que les films n'ont aucun rapport entre eux. C'est un peu le James Bond de la possession. C'est-à-dire qu'à nouveau, le 1, William Friedkin, le 2, John Boorman, le 3, William Peter Blatty, auteur du roman original et réalisateur du chef-d'œuvre qu'est la 9e configuration. Alors, je l'ai découvert pour l'occasion. Incroyable film. C'est cool. Les deux quatre, donc Rennie Harlin, alors peut-être l'auteur le moins cérébral de toute la saga, mais définitivement quelqu'un qui sait mettre sa patte sur les films. Paul Schrader, donc grand auteur dont on avait déjà parlé dans l'épisode remake sur La Féline. Et bon, David Gordon Green, on fait pas toujours comme on veut. Hein. Et en Voilà. fait, William Peter Blatty, donc il y a deux versions de l'Exorciste 3, c'est-à-dire que si vous voulez voir la trilogie de l'Exorciste, c'est l'Exorciste 1, 2 et 3. En revanche, si vous voulez voir la trilogie de la foi, que je vous invite vraiment à découvrir, c'est l'Exorciste 1, la 9e configuration, et l'Exorciste 3, Légion, qui est une sorte de director's cut du 3, qui est vraiment un film qui apporte un autre sens sur la saga. La Directive Ensuite est sortie en France, hein. Ouais, chez Chez ESC, ESC. dans un très beau coffret. D'ailleurs, Alors. jusque dans quelques jours encore, à l'heure où vous écouterez ça, il sera encore dispo en réduction pour Black Friday. Allez-y. Et par ailleurs, si vous voulez plus de détails sur le contenu de l'Exorciste 3 et de Légion, je vous invite à l'écouter l'excellent épisode du Pifcast sur les asiles, si je dis pas de bêtises, dans lequel il parle de l'Exorciste 3. Mais donc toi, Roman, l'Exorciste 3, que tu as découvert pour l'occasion, Non, c'était. j'avais Que déjà tu as vu. déjà eu, pardon, mais que tu as revu, du coup, J'ai comment ça se passe? découvert la directe en Scott pour l'occasion, par contre. Donc Légion. C'est ça. Et Et si tu veux rapidement parler de la 9e configuration, vas-y aussi au passage. t'as l'air plus calé que moi, donc je vais te laisser parler de ça. Je donne déjà ton avis. Moi, la 9e configuration, c'est un des rares que j'ai pas revu pour l'occasion. Alors, bah, je l'ai découvert pour l'occasion et je suis pas super client du rythme, mais encore une fois, je suis pas de meilleur conseil à ce niveau-là. Je suis un peu formaté divertissement, mais même si, encore une fois, je peux totalement accepter d'autres propositions. Et pour le coup, celui-là, j'aime vraiment l'expérience que le film propose. Pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant à voir. Je vais pas en dire plus, parce que c'est un film assez barré. Si je devais le comparer à un autre film qu'on aurait traité dans le podcast, ce serait éventuellement Au-delà du réel. Il y a des recoupements qui peuvent se faire. Il y a des recoupements qui peuvent se faire clairement. Après, j'en dirai pas plus. Mais allez-y. Il est sur Tubi, si vous voulez le voir. Ouais, la 9e configuration. Bah, en fait, ce qui est passionnant avec cette trilogie, c'est que c'est une trilogie alors qui est très très intellectuelle, tout en étant assez didactique. Alors, plus l'Exorciste 3 que la 9e configuration, même si je peux pas empêcher de me dire que vu le niveau de réalisation et vu le niveau d'inventivité, de générosité, on va dire, de ces films-là. C'est dommage que William Peter Blatty, pardon, ait pas réalisé plus de films que ça. Mais honnêtement, moi, c'est une trilogie que je trouve assez passionnante à nouveau sur tout ce qui est la foi, mais pas tant la foi que ce qu'il y a autour, c'est-à-dire le rapport à la foi et le rapport à le fait de conceptualiser qu'il y a quelque chose de potentiellement plus grand et plus puissant que nous. Comment est-ce qu'on réagit dans cette situation-là? Enfin, c'est vraiment une trilogie que je trouve passionnante à analyser, à décortiquer à nouveau. Et c'est d'autant plus intéressant que les deux versions du film ont vraiment deux visions différentes sur un même résultat. Et donc ça permet d'avoir, comment dire, deux façons différentes, très différentes d'aborder le film. À nouveau, la trilogie de l'exorciste qui va se concentrer sur le personnage de l'exorciste à proprement parler, qui va être un peu plus, on va dire, formaté commercial. Là où la Légion va vraiment avoir un regard, pas plus le regard de son auteur, et va se concentrer sur qu'est-ce que la foi et comment est-ce qu'on traite le rapport qu'on peut avoir à cette foi-là. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui moi, me passionne et qui, dans ces films-là, m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Mais si, à nouveau, j'invite vraiment. Là, le but, c'est plus d'être dans un rythme, on va dire, plus rapide. Donc, c'est pour ça que j'invite à passer. J'invite à aller, je renvoie vers les références qu'on a déjà données. Et sur le quatrième Alors, je épisode. tiens juste à dire un truc. Tu parles beaucoup de foi et on parle beaucoup de foi tous les deux. Ouais. On tient juste, enfin, en ce qui me concerne, je suis agnostique. Voilà, c'est pas, je suis pas croyant ou Moi, quoi. j'en ai rien à foutre. Voilà, donc c'est, on parle de foi Dans un terme général. en termes généraux, purement thématique, purement analytique. Théorique. C'est ça. On ne fait l'apologie de aucune religion. Voilà. C'est pas demain la veille que tu me verras le faire. C'est ça. Moi non plus. Donc voilà, juste que ce soit clair, Alors. on va beaucoup parler de foi et de religion pendant cet épisode. Toutes sont au même niveau. Et Voilà. l'Exorciste 4. Alors l'Exorciste 4, donc c'est un film qui existe en deux versions, pour faire la version courte. Paul Schrader tourne une première version, le studio trouve que c'est de la merde, appelle Renny Harlin, qui est à peu près l'opposé total de Paul Schrader, pour refaire le film sort, est un bide, et ils sortent la version de Paul Schrader. Donc. Pour vous situer, juste pour des exemples, Paul Schrader, scénariste de Taxi Driver, Renny Harlin, réalisateur de Peur Bleue. De Peur Bleue ou de Die Hard 2. Ou de Cliffhanger. Voilà, donc comment dire, alors si on commence par la version de Renny Harlin. De Paul Schrader, on va commencer par celle de Paul Schrader, celle La qui était là à première à la être base. sortie en salle, c'est celle De de Renny Harlin. Harlin, mais bah, Commençons par celle de Schrader, vu que par c'était ordre de la production, première à être faite. c'est ça, la par ordre de production, donc la boîte de prod, bon, j'ai oublié le nom. Millennium. Millennium? Il me semble que c'est Millennium. Je crois pas, mais Bref. bref, la boîte de prod laisse plus ou moins une carte blanche sur tournage à Schrader. Schrader tourne son film et la boîte de prod lui dit, mais c'est de la merde. Bah, ils disent, je cite, que c'est pas assez effrayant et que c'est pas assez C'est gore. ça. Et donc, ils jartent Schrader et ils amènent Harlin. Sachant que pour l'enfant de Schrader, il a voulu faire le même schéma que C'était pour Morgan Creek, pardon, pas Morgan Millennium, Creek. Morgan Voilà. Creek. Il a voulu faire le même schéma que ce qu'avait fait Friedkin, c'est-à-dire engager le meilleur acteur scandinave de sa génération. Donc pour Friedkin, sur le rôle du père Mérine, il prend Max von Sydow. Et du coup, Schrader, sur son film, prend toujours pour le rôle du père Mérine, mais plus jeune, Stellan Skarsgård, qui est un très bon Un acteur. excellent acteur. Ouais. Mais en fait, moi, ce que j'aime. En fait, la version de Paul Schrader. Alors, si, on va la comparer indirectement à celle de Harlin, même si je pense qu'on appuiera la comparaison plus tard. Mais la version de Paul Schrader, sur le papier, elle a tout pour me fasciner. À nouveau, ce personnage qui a tout perdu, qui est en quête de rédemption, etc. La rédemption étant un thème vraiment prédominant chez Schrader, notamment dans sa dernière trilogie bressonienne. Enfin, bref. Voilà, que je vous invite vraiment à découvrir, notamment l'incroyable First Reformed. Et en fait, sur le papier, il y a tout pour me plaire dans le film, c'est-à-dire il y a à nouveau ce père religieux, cette ambiance très lourde, très pesante. Mais malgré tout, on sent que c'est un film. En fait, on sent que ça aurait pu être un film incroyable, mais que c'est un film qui a vraiment été cabossé, qui a un parcours compliqué, qui n'a pas été fini, en fait, tout simplement. On a l'impression qu'il manque des scènes, on a l'impression qu'il manque des éléments pour comprendre la narration, et surtout, il y a des effets numériques dégueulasse. Coucou Alors, les hyènes! Harlin est pire hein, là-dessus, mais à les hyènes, même le masque de Son Goku à la fin. Hein. Mais c'est voilà, c'est un film que malgré tout, que j'ai un peu envie de défendre parce que sa nature de film inabouti me donne aussi envie de faire ça. C'est-à-dire que, par exemple, je peux aussi penser au fait que. Au fait, tout simplement, que y a le flashback du père Mérine pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est, et de loin, une des meilleures scènes du film. Dans le Harlin, il y a un espèce de cliffhanger putassier autour de cette scène. Dans le Shredder, c'est la scène d'intro, et elle est vraiment glaçante. Qui revient plusieurs fois, d'ailleurs. Ouais, qui revient en écho au personnage. Maintenant, on peut toujours se poser la question de... Certes, c'est un film différent, c'est un film remanié, mais est-ce que c'est un film pour autant meilleur? J'aurais tendance à dire que oui, parce qu'il est plus marqué par la patte de son auteur, il est plus marqué par des thèmes inhérents à l'exorciste, parce qu'effectivement... Paul Schrader, pour réaliser un préquel de l'Exorciste, quelque part, ça colle. Malheureusement, le résultat final est ce qu'il est. On se retrouve avec un film très imparfait et qui est... Qui malheureusement n'a pas grand chose à dire étant donné le potentiel de son auteur. C'est-à-dire que Paul Schrader, il a des thèmes autour de la rédemption et de la foi. Il a déjà fait dans X films, Taxi Driver, La Dernière Tentation du Christ, À Tombeau Ouvert, enfin bref. Il en a déjà fait dans tant de films. Est-ce que ce film-là ajoute quelque chose à sa mythologie? Sa mythologie d'auteur, je veux dire, je ne trouve pas. Maintenant, j'ai envie de le défendre, Stellan Skarsgård reste un acteur vraiment exceptionnel, il y a des scènes vraiment très fortes, il y a la scène d'intro, etc., il y a des thèmes vraiment prenants. Justement, thématiquement, il y a, on parlait de foi et de religion, mais comment tu gardes la foi après avoir vécu les horreurs de la Seconde Guerre mondiale? Ça, pour le coup, c'est assez intéressant à traiter. Ouais, mais c'est jamais vraiment décrypté. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est que c'est effleuré, mais c'est pas non plus amené. Et en fait, le fait que la fin ait un côté ultra anti-spectaculaire pour finalement finir sur un espèce de pseudo Avengers du style « Maintenant, je suis le père, Meryn ». Enfin, tu fais... Ouais, mais bon, ça... on n'a pas la sensation qu'il y ait vraiment eu quelque chose d'autre. C'est... En fait, sa nature de film blessé invite à le défendre naturellement, mais ça... Ça reste un peu dur, on va dire, de se satisfaire de ce qu'on a malgré tout. C'est ça. Mais il y a toujours plus à se mettre sous la dent que dans le Harlin. C'est-à-dire que Rennie Harlin, c'est quelqu'un qu'on aime bien. C'est quelqu'un que moi, en tout cas, j'aime bien. Nouveau, Die Hard 2, c'est super. Cliffhanger, c'est excellent. Au revoir à jamais, c'est trop bien. Enfin, c'est... Je crois que tout ce que je connais de Harlin, c'est Peur Bleue. Peur Bleue, c'est vachement bien aussi. Et Freddy 4. Ouais, mais Freddy 4 aussi, c'est cool, super. C'est très cool, Freddy 4. C'est ça, enfin, c'est quelqu'un qui est ultra généreux, même dans sa carrière post 2000. Pourtant, Dieu sait qu'il a eu des hauts et des bas. Il a fait Hercule, il s'est quand même fait taper par Brett Ratner. Il a fait Dyatlov Pass, qui est l'un des pires found footage qu'il y a eu dans les années 2000. Et pourtant, il y en a eu des très mauvais. Il a fait. Il en a fait un film que j'adore qui s'appelle Mindhunters, Profession Profiler en anglais, avec un gunfight sous l'eau. C'est super bien. Mais non, en vrai, qui a un espèce de scream avec des profilers, enfin, c'est vraiment trop bien. Mais tu vends du rêve, mon salaud. Ah, mais c'est super. Mais en fait, voilà, c'est quelqu'un qui est assez généreux, mais qui est, faut le dire, assez bête. Et en tout cas, dans ses films. Et en fait, là, le problème de l'exorciste, c'est que soit il a des super idées qui sont bâclées par une technique qui est pas au niveau, soit il a des idées de merde. Et en fait, par exemple, alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ce film? On peut retenir une image d'intro trop bien avec ce champ de croix inversée qui est assez marquante, mais la technique numérique est dégueulasse. Alors, j'ai tapé rapidement des effets spéciaux sur le Shredder, sur le Harlin, ils sont bien pires. Et en fait, on se retrouve la vraiment... scène d'attaque des Yells. Ah, la scène d'attaque des Yells, c'est cataclysmique. Les effets gore, il y en a des sympas, mais global, c'est vraiment pas Jojo. Le combat, genre, c'est simple. Si vous avez toujours rêvé de voir Matrix 3 sans le talon, c'est ça. C'est dans l'Exorciste 4, enfin, c'est dans l'Exorciste au commencement. Vous avez globalement le père Karras qui fait des kamehameha contre des démons. C'est vraiment ridicule. On a ça, on a la délicieuse écriture du personnage féminin qui est merveilleuse. On vous invite d'ailleurs à voir les affiches françaises qui, en plus d'être médiocres, spoilent tout le twist du film. Enfin, twist entre guillemets. On a un twist ultra maladroit sur la Seconde Guerre mondiale. On a un rythme complètement bâtard. On a une vision de la colonisation qui est particulière. Enfin, c'est un film qui... Qui est américaine, disons. Ouais, mais qui a beau être amusant malgré tout parce que ses excès gore sont... Les exécutifs voulaient un film plus gore, on peut pas le nier que le film est effectivement beaucoup plus sanglant. Maintenant, ce qu'il en reste, c'est quand même vraiment pas terrible. C'est mieux que d'autres films de son auteur, à nouveau, Rennie Harlin. J'ai vu The Misfits là, il y a quelques mois avec Pierce Brosnan, qui est une grosse merde. Donc, enfin, le film, pas tant Pierce Brosnan. Mais voilà, il est aux commandes de la prochaine trilogie The Strangers, pourquoi pas. Mais là, faut admettre que le film, c'est... Strangers, les Home Invasion. Les Home Invasion, oui. Il y a une nouvelle trilogie, c'est lui qui fait la réalise. Je savais qu'il y avait une trilogie qui arrivait, mais je savais pas que c'était lui. Si, c'est lui qui fait les trois. Mais donc là, on se retrouve avec un film qui est quand même... qui est quand même pas terrible. Ouais, alors, juste pour un truc, y avait un truc assez intéressant chez le Shredder, qui est totalement autour de Harlin. C'est le fait que la possession te guérisse. C'est-à-dire que t'as un personnage qui est malade au début, qui se fait posséder, qui va mieux, genre dont les problèmes physiques sont soignés, mais pas sur le diable. Et encore une fois, la thématique de la foi, encore une fois, c'est Celui-là m'est traité par un bourrin. non, mais c'est le diable est forcément plus tentant. Voilà. Mais Pour citer un grand sage, Albus Dumbledore, bientôt il arrivera, enfin, il incombera toujours de choisir entre le bien et la facilité. Voilà, le diable peut sembler être la facilité, encore une ouais, mais fois. le problème du Harlin, c'est qu'il a l'air d'aborder ces thèmes-là, mais en fait, il en fait une espèce de sous-produit. Sans ambiance, sans envie, sans grand talent. En fait, ce qui me rend triste, c'est que Rennie Harlin, c'est toujours quelqu'un qui a su divertir, qui a su apporter quelque chose dans un film. À nouveau, on peut parler de Peur Bleue, on peut parler de Die Hard 2. C'est certes des films très imparfaits, mais c'est des films qui sont faits avec un vrai talent d'artisan. Et il a également deux obsessions, si vous voulez vous amuser, les explosions et les hélicoptères. Alors, les hélicoptères, il y en a dans à peu près tous ces films. Les explosions, il y en a dans à peu près tous ces films. Il n'y a pas d'hélicoptère ici, quoique, non, il n'y en a pas. Non, Mais il y en les a pas explosions. dans. Je crois qu'il n'y en a pas dans Freddy 4. Non, mais les explosions. Oui, par contre, il réussit à foutre un hélico dans un film de requin. Oui, il y a tout à la fin, toujours, il y a mis toujours. Mais c'est ça, et en fait là, j'ai vraiment l'impression d'un film qui est complètement bâtard, bah, qui à nouveau qui est synonyme de, qui témoigne de sa production, et qui n'apporte vraiment rien, qui a une scène gore sympa avec ceux qui attaquent l'enfant, qui se font désartibuler dans tous les sens. Mais pff, ouais, ça reste pas grand-chose, quoi. Est-ce que j'ai envie de sauver le film pour ça? Non, en Non, fait, moi non, non vraiment plus, pas. moi non plus. Et c'est. Enfin, moi honnêtement, c'est vraiment pas un film que je trouve très intéressant. Et c'est un film qui est certes amusant sur le coup, parce que Rennie Harlin, donc ça reste toujours un petit peu. Ça reste toujours un peu rigolo. Mais ça apporte vraiment pas grand-chose. Et plus que pas grand-chose, c'est ça apporte, comment dire. C'est très limité, ne serait-ce que par sa production. C'est-à-dire que naturellement, un scénario écrit, en tout cas fait et écrit pour et par Schrader, si c'est Rennie Harlin qui le prend en main, on va pas aller loin, en fait. On va vraiment pas aller loin. Ah ouais, bah, c'est-à-dire que bah, typiquement je pense que Stahelski est très bon pour Stahelski si on lui file un scénario Un de... scénario intelligent. Non. Non, mais après, j'ai envie de dire, on va pas loin avec l'exorciste au commencement, mais on va toujours plus loin qu'avec l'exorciste C'est ça, dévotion, j'allais alors. dire transition vers un film difficile à sauver. Alors, L'exorciste l'exorciste dévotion. dévotion, bon, alors, bruit de rechargement. Alors, déjà, David Gordon Green, qui est ce salopard, ce personnage, pardon. Alors, c'était quelqu'un qui s'est illustré par la merveilleuse sphère du cinéma indépendant américain. Et qui s'était fait repérer avec Joe, qui s'est déjà fait repérer un petit peu avant, mais qui avait eu sa vraie mise en lumière avec Joe, sorte de drame rural avec Nicolas Cage, un peu pédant vis-à-vis des gens de la campagne, mais pas tant que ça. Bon, alors il avait auparavant fricoté avec la mafia Seth Rogen, donc bon, déjà, moi, il part construit sur un cimetière indien. Avec Pineapple Express. Voilà, quelle chance, mais Je ne connaissais pas le film, mais je l'ai vu défoncer, c'est donc. un cauchemar, Peut-être Pineapple qu'à revoir à Express. jeun, c'est C'est peut-être un pas l'idéal. cauchemar. Et donc voilà, ensuite il avait fait la trilogie Halloween, qui était rigolote, notamment rigolote par ses excès. Moi, ce qui me fait toujours rire, c'est que dès le 1, il témoigne littéralement qu'il n'a pas compris Michael Myers. Mais le film s'en sort parce qu'il est à peu près rigolo. Le 2 s'en sort aussi parce qu'il est vraiment rigolo, notamment Vraiment par ses vénère excès surtout. et par sa cocaïne. Le 3 propose autre chose. C'est compliqué, c'est de loin le plus faible, mais pourquoi pas. Le 3 a beaucoup divisé. Je sais que nous deux, on est dans le camp Bah plus. c'est, en fait, j'ai tendance à me dire que pourquoi pas, on va dire que vu les niveaux auxquels était allée la saga, autant essayer de l'amener vers autre chose. Tout n'est pas réussi, mais au moins ça a le mérite d'apporter autre chose, on va dire. Ça, on n'est pas sur Busta Rhymes qui lève les couilles de Michael Myers. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc il se retrouve aux commandes de cette trilogie L'Exorciste, alors trilogie déjà commandée, parce qu'il y avait Believer, Deceiver, Redeemer, enfin bref, il y a déjà des noms à la con qui ont été trouvés. Et en fait, on se retrouve avec ce film, alors qui s'était fait défoncer dès sa sortie. On On est. dirait la saga Resident Evil tellement les titres n'ont pas de sens. Voilà, on est quand même allé le voir en se disant, allez, pourquoi pas, après tout, on peut essayer de le sauver. Et quelle fut notre joie, alors partagée, j'imagine, j'attends ton avis, mais de se retrouver devant une grosse merde, en fait. Alors, bon, à nous, on essaie vaguement de sauver les précédents, hein, mais comment dire? Jumpscare tout pourri, Avengers de la foi, de merde à la fin, montage dégueulasse, absence totale d'idées, Hélène Burstyn qu'on ramène pour n'avoir pas grand-chose à faire, cette logique de merde, de legacy sequel, de toutes les suites ne valent rien, c'est moi la vraie suite. Enfin, vraiment, quel cauchemar, c'était, je pense, et de loin, un des pires films que j'ai vu cette année. C'est vrai, en fait, moi j'ai envie de redonner sa cocaïne à David Gordon Green et lui faire, mais redonne-moi à nouveau un peu de rigolo, quoi, Bah, c'est. hey, quitte à faire n'importe quoi avec l'exorciste, fais n'importe quoi fun. Ouais, ça, je sais pas, amène un petit peu de gore, amène un petit peu de fun, mais honnêtement, y a rien dans ce film. Ça, on te vend l'idée d'une double possession pour finalement te faire absolument rien. On te vend l'idée de si jamais ça arrive à un athée, qu'est-ce qui se passe? Bah, pas grand-chose de différent finalement. Enfin, vraiment, c'est, je trouvais que c'était un cauchemar. Il y a une scène qui surnage vaguement, qui est une scène d'examens médicaux, qui est un peu dérangeante, qui rappelle un peu le 2. Et qui rappelle le 1 surtout. Le 1, il y a beaucoup de scènes de à l'hôpital justement. T'as cette scène où Ryan se fait faire des Oui. prélèvements de sang et Oui. t'as toute la gicle de sang. Et alors, franchement, c'est pas grand-chose à l'échelle du cinéma d'horreur. C'est-à-dire que on a eu Nécromancie qui vient de sortir récemment en Blu-ray et dans quelques projections. Quel plaisir. Voilà. Mais c'est pas grand-chose à l'échelle de l'horreur. C'est-à-dire que la même année, à peu près au même moment, il y a Blood Twist qui sort. On n'est pas très loin de Black Christmas non plus, donc bref. Mais dans le contexte où ça arrive, c'est-à-dire un milieu médical Une grosse où. giclée de sang, ça fait son effet. C'est ça. Là, on a la version petit bras du truc, on a un remix tout pourri de Tubular Bells. Enfin, en fait, ce qui m'emmerde avec ce film, plus que sa simple qualité de film médiocre, c'est vraiment le fait que il y a 400 millions, je crois, qui ont été dépensés pour les droits de Ouais, pour les l'exorciste, droits, ouais. pour faire un film sans saveur, sans intérêt, qui se pose ensuite d'un des films les plus intelligents et les plus commenté et commentable de l'histoire du cinéma d'horreur. Je Et pense ça donne qu'avec un film sur lequel il n'y ouais. a rien à dire en fait. Avec Massacre 2, c'est peut-être un des films dont on a tiré le plus de bouquins, le plus d'interprétations, le plus de Voilà, relectures, bref. et je trouve ça presque triste, enfin, non, je trouve ça plus que triste de me dire que ce film-là est la suite, enfin, se veut la suite d'un des grands classiques du cinéma d'horreur. Enfin, moi, je comprends pas cette logique. J'espère soit que David Gordon Green va changer intégralement de direction pour la suite, soit qu'il va tout simplement être éjecté. Mais honnêtement, Soit qu'il va se faire posséder par Friedkin, comme il ouais, l'avait dit avant cette de mourir. interview excellente, mais c'est. Enfin, moi, ça me brise le cœur de voir un film aussi fade, en fait. Et même Hélène Burstyn a l'air de le savoir, puisqu'elle a dit qu'elle revenait pour l'argent. Ça se voit à l'écran, donc quelque part, tant mieux pour elle. Elle s'est fait un beau paquet de, elle s'est fait un beau paquet de thunes, mais moi, honnêtement, c'est un film qui m'a déprimé et qui m'a vraiment énervé en fait de voir ce film-là et de me dire ça c'est la proposition entre guillemets mainstream du film d'exorcisme. Enfin vraiment c'est vraiment un film qui m'a vraiment énervé, vraiment, et qui en plus de m'avoir énervé bien surtout déprimé en fait. Bah c'est ça, c'est-à-dire que déjà on essaie de traiter l'exorciste soit au mieux comme une franchise de slasher où on te fait revenir les Final Girls des films d'avant, au pire bah comme une scène post-générique de série Marvel l'autière. Voilà, genre Ouais, She-Hulk. et encore, je pense que je préfère She-Hulk à l'Exorciste, parce que moi, She-Hulk, c'est à peu près rigolo. Enfin, nouveau, l'Exorciste, y a rien à dire, c'est fade, c'est vide, c'est sans intérêt, c'est sans volonté, c'est sans talent, enfin, vraiment, enfin, de loin, je trouve que c'est le pire de la saga, parce que quand bien même le 2 est pas terrible, au moins il a son auteur derrière pour à peu près driver et amener quelque chose de qui soit au moins unique dans ce qu'on peut dire, en plus d'avoir la musique d'Ennio Morricone qui est excellente. On a l'Exorciste 4, l'Exorciste au commencement, il est certes pas bien, mais au moins Erin Yarlin est généreux et c'est à peu près rigolo. L'Exorciste de Dominion, c'est peut-être pas terrible, mais au moins Paul Schrader est derrière, donc ça assure un minimum de cohérence théorique. Là, il y a que dalle, quoi, il y a vraiment, vraiment que dalle. Et puis à la fin, quoi, les Avengers de la religion, enfin non, mais c'est ridicule, Ah ça, enfin. puis ça te fait revenir. Alors, on divulgage, on n'hésite pas, on a prévu en début d'épisode de toute façon. Le retour de Reagan. Quelle merde, quel enfer! Voilà, c'est ça dont je parlais quand je parlais soit au mieux de slasher, au pire de scène post-générique de série MCU. C'est-à-dire que vraiment, ça te fait revenir une des icônes du cinéma d'horreur en mode C'est Captain Marvel en fait. c'est ça. C'est-à-dire que, genre, Reagan n'est pas à traiter comme Laurie Strode, parce que les deux ne veulent pas dire la même chose, parce que les deux N'ont viennent d'époques rien à totalement voir, différentes, n'ont voilà. absolument rien à voir. Enfin, c'est vraiment un cauchemar. Les Legacy Quels, c'est bien, bien un enfer déjà. Enfin, déjà, de la logique est un enfer et les films le sont pour la plupart. Donc là, on se retrouve avec ça. Enfin, où est-ce qu'ils veulent aller après ça en fait? Peut-être bientôt un épisode de Yes Equal! Non. Non, non, vraiment pas, vraiment pas. Non. Là, je mets un droit de veto, claque, non. Ne pas parler de Scream 6? Non, De Scream. non, mais en plus pour le Scream 7, les deux se sont fait virer, donc non. Alors, il y en a une qui s'est fait virer, Et donc. l'autre qui est partie. C'est ça, c'est-à-dire que l'actrice qui joue Sam Carpenter, Melissa Barrera. c'est ça, Melissa Barrera, s'est faite virer pour avoir ouvertement soutenu la Palestine. Gros soutien à elle, se faire virer pour se partager ses convictions, c'est ça. C'est interdit dans certaines entreprises. Pas comment ça, tu oses dénoncer un génocide? Comment ça, tu oses parler d'un crime de guerre? Comment ça, chef? Comment ça, et Jenna Ortega, en soutien à son ami, a décidé de quitter la franchise. Voilà, ça va être marrant, la franchise, sans personne pour la driver. Ça va c'est con parce que c'était au moment où un réel intéressant arrivait à la saga. Non, ça va vraiment être fun. Hein, ça... Moi, j'attends le moment où ils vont dire non, mais ils sont pas partis. C'est une décision commune. Non, non, ils sont partis. L'une s'est fait virer, l'autre. Enfin, ça, ou alors quand le studio va perdre ses couilles, il va faire non, mais en fait, revenez, s'il vous plaît. Enfin, vraiment, c'est ridicule. Bref. Mais quand même un peu curieux de voir ce que Landon va réussir à faire avec ça. Ah, bah, avec ça, rien. Enfin, ouais. je te le donne en mille, rien. Si jamais t'as pas d'acteur pour driver ta saga, qu'est-ce que tu vas faire en fait? Là, c'est con, les Final Girls commencent à avoir de la profondeur à partir de la fin du 6. Ah, quel champ, ouais, quelle profondeur. Bref, Scream 6, on divague. Vague. Mais bref, si on va sur les films d'exorcisme, on est déjà à 40 minutes, le but c'est de faire autour d'une heure rapidement. Commençons par sortir les balles, armer les bombes et faire péter la dynamite. Est-ce que tu as des grosses merdes à nous partager, vraiment des bonnes grosses purges? Alors, je peux démarrer les dossiers secrets du Vatican. Alors, celui-là, je l'ai pas revu depuis la salle de ciné. Bah en fait, ce qui est fabuleux J'avais 14 ans, je trouvais déjà que c'était de la merde. Bah en fait, j'invite à ne pas voir la VF, parce que déjà, Margot Robbie, qui se fait aider par Michael Peña, qu'on essaye de nous vendre dans un rôle sérieux, faut concevoir. Mais alors, Margot Robbie, la VF de Margot Robbie. Oui, la VF de Margot Robbie, pardon. Alors, en fait, c'est réalisé par Mark Neveldine. Alors, Neveldine, on s'en rappelle, enfin, en tout cas, moi, je m'en rappelle pour avoir réalisé deux films que j'aime énormément, qui sont Hypertension 1 et 2. Il se présentait à l'époque comme une espèce d'excroissance dégénérée sous coke de la culture MTV. Et faut admettre que Hypertension 1 et 2, derrière la vulgarité sans limite du film, c'est quand même super fun et vraiment... Il y a une patte derrière, il y a quelque chose, il y a une énergie qui se dégage et vraiment, c'est... C'est assez cool en fait, comme film. Et c'est de loin les meilleurs Jason Statham. Et d'autres s'en rappellent pour Ghost Rider 2. Voilà, bah Ghost Rider 2 qui est une grosse merde avec Christophe Lambert dedans, faut pas oublier, mais qui est vraiment une bonne grosse Christophe merde. Christophe Lambert et Idriss Elba aussi. Idriss Elba, ouais, Idriss Elba qui tente de lancer sa carrière, le pauvre. Mais vraiment une grosse merde. Et ensuite, c'est vraiment. Genre, les autres ont des canons, lui, là, lance-pierre. Vraiment, c'est. Ils avaient fait aussi, faut pas oublier, ils avaient fait Gamer Ultimate Game qui est irregardable, honnêtement, qui en plus d'être limite malhonnête sur son discours, a un montage, mais catastrophique. Enfin, CF Karim Debbache. Hein. Voilà, mais c'est vraiment affreux. Et ensuite, alors après ça, Brian Taylor a su rebondir, c'est-à-dire qu'il a fait un Mom and Dad avec Nicolas Cage, qui est bien en dessous de ce que son concept peut promettre, mais qui est sympa, qui reste dans les Nicolas Cage les plus regardables. Mmh. Et il a surtout fait l'excellentissime, série Happy sur Netflix, que je vous recommande, qui est Hypertension 3, en fait, qui est vraiment assez fun, qui est hyper dynamique, qui est très très gore, bien immoral, bien dégueu, enfin, qui est vraiment vraiment fun et qui rappelle qu'il en a encore un peu sous le pied. Et puis, bah, Mark Neveldine a fait les dossiers secrets du Vatican, qui, alors, pour filmer, il a fait ce qu'on appelle dans le milieu Kenneth Branagh sur Thor 1, c'est-à-dire que pour filmer l'étrange, on débule. Tout le monde débule en filmant biais, hein, voilà, bizarre. Donc voilà, donc c'est. Dès qu'il y a une scène un peu bizarre, clac, c'est filmé de travers. Il y a une scène de fin qui est complètement nawak, qui se veut avoir des résonances un peu actuelles avec l'actualité, qui n'en a pas. Et surtout, le film est d'une misogynie assez sans limite, c'est-à-dire que déjà, si t'es une prostituée, tu es un suppôt de Satan. C'est logique, c'est affirmé par le film, c'est pas moi qui le dis. Comme le dirait un grand penseur, en pute. Oui, et ensuite, si jamais tu es un personnage féminin. Ah bah, c'est mal parti pour toi, hein, vraiment. Donc non, vraiment, c'est une belle purge qui est bien, bien chiante, filmée de biais, donc faut pencher la tête, et puis surtout, bah, Michael Peña dans un rôle, alors déjà Michael Peña tout court, mais surtout Michael Peña dans un rôle sérieux, ah, ça demande quand même une sacrée suspension d'incrédulité. Et donc toi, est-ce que t'as pas une grosse merde sur l'exorcisme à nous partager? Vraiment une bonne grosse purge. Alors, bah, il y a l'exorcisme de Anna Grace. Alors... J'en avais un bon souvenir, mais j'ai revu quelques extraits, en fait, je pense qu'il faut pas que je le revoie du tout. Moi, j'avais juste un souvenir, comment dire, de trucs assez surprenants, avec quelques images un peu crado, mais non, je pense vraiment pas qu'il faut le revoir. Moi, c'est juste que le réal a un nom rigolo. C'est quoi? Diederik van Ruijgen, voilà. Ah, t'es souhait. N'est-ce pas? Mais ouais, Anna Grace, bah, pareil, vu en salle à l'époque, donc on était en 2018, si je ne m'abuse, quand ils sont en France, fin d'année, genre décembre. Ouais. Et sacré cadeau de Noël. Et bonne année. Et franchement, entre ça et Black Christmas l'année d'après, et on est On n'était pas gâtés, franchement. Ça, on est gâtés, ouais. Franchement, on s'en sort bien. En plus, c'est scénarisé par celui qui a fait Boogeyman 2. Que j'ai vu ni le 1 ni le 2, d'ailleurs. Faut, tu peux t'en passer. Y a pas Keaton dans le 1? Potentiellement, je t'avoue que je vais pas aller regarder. Et ouais, bref, Anna Grace, bah c'était ultra convenu, vraiment. Vraiment on parle des clichés sur les slashers, mais les films d'exorcisme ils sont pas mal aussi. Ouais, surtout, on te dit film d'horreur dans une morgue, ça peut être génial. Genre Jane Doe, ouais, on vous renvoie Jane Doe Identity. Mais putain, Anna Grace, c'était bien bien long. Bah, une autre grosse merde aussi. Dont je peux parler, moi il y a un film que j'aime vraiment, mais alors vraiment, vraiment pas beaucoup, c'était The Exorcism of Anna Eklund. Qui, alors on parle de... Alors ouais, les exorcismes off, il y en a vraiment beaucoup. On parle de vraiment de films poussifs, convenus, clichés. Lui c'est le boss final dans le domaine. Vraiment, Anna Eklund c'est très très dur à aborder. Faut y aller préparé, faut se mouiller la nuque. Faut vraiment y aller en sachant à quoi c'est, c'est-à-dire qu'en termes de médiocrité, on est Diego Calva, en termes de vraiment médiocrité. Diego Cohen, Diego Cohen qui est... Enfin, c'est-à-dire que Mark of the Devil aussi, c'est très mauvais, mais c'est vraiment... La marca del Diablo, ah, la marca del Demonio. On est sur le... On est vraiment sur ce niveau-là, c'est-à-dire Anna Eklund, allez-y en sachant à quoi vous attendre. Mais en revanche, si on va sur les trucs un peu meilleurs, il y en a un que j'aimerais mettre en avant, que beaucoup de gens ont détesté, mais que j'avais trouvé vraiment surprenant et vraiment pas mal, c'était Exorcism of God, de Alejandro Hidalgo, aucun lien. Alors, Alejandro Hidalgo, c'est quelqu'un qui avait su se... Aucun effet cynique. Comment? Aucun effet cynique. Ouais, toujours. Mais en fait, c'est quelqu'un qui avait su se faire remarquer, parce qu'il avait fait, il y a quelques années, un film qui était vraiment excellent, qui était La Casa del Fin de los Tiempos, House at the End of Time, okay. Qui était vraiment, vraiment exceptionnel, que je vous invite à découvrir, qui passait un peu sous les radars, qui fait un peu peur. Hein, voilà. Et il a fait Exorcism of God. Alors, Exorcism of God, c'était il y a 2 ans maintenant, je crois. Ouais, je crois. Et ça s'était fait défoncer à sa sortie, et honnêtement, j'avoue ne pas trop comprendre pourquoi. C'est-à-dire que ça... Alors, As d'Épouvantail a fait une excellente vidéo dessus, vers laquelle je vous renvoie. Et ça prend place dans un... Alors déjà, le héros est un prêtre qui, lors d'un exorcisme, a violé la femme qui était exorcisée, sous couvert de possession. Il faut pas. Et oui, évidemment. Et c'est un film qui va parler de ça, qui va cultiver ce rapport particulier que l'Église peut avoir à la sexualité et au viol. Voilà, c'est la blague, tu sais ce que c'est, un exorcisme inversé? Vas-y. C'est quand le démon dit au prêtre de sortir du corps de l'enfant. Et c'est... En fait, ça, le film va parler de ça et va avoir un regard assez intéressant sur le sujet. Et en parallèle, ça va également avoir plusieurs idées visuelles assez barges. Alors, il y a certains jumpscares vraiment efficaces, il y a certaines images vraiment très fortes, et surtout, il y a cette scène climax, bah nouveau comme le titre l'indique, de démon qui va exorciser le dieu du prêtre, en fait. Et ça va... Honnêtement, ça a le mérite d'être assez original, d'avoir quelques idées vraiment fortes, une fin assez inattendue, honnêtement, qui marche plutôt bien, et qui sert un propos globalement très cohérent, en plus d'être assez fort. Donc non, vraiment, Exorcism of God, alors sans être un chef-d'œuvre non plus, qui reste dans le domaine de la très sympathique bisserie, je recommande, c'était vraiment un film très sympathique, assez original, et qui s'était fait défoncer, je trouve, assez injustement. Et bah, pour rester sur la sympathique bisserie, un peu plus ancienne, mais pas beaucoup non plus, Possession. Ah, le film juif. Voilà. Donc, c'est un film, donc, comme Corentin l'a dit, sur le film d'exorcisme, mais sur la religion juive, c'est-à-dire qu'on va exorciser un D-Book. D'ailleurs, je vous renvoie aussi au court-métrage D-Book qui est dispo sur Shadows. Possédé, qui est, ben, très sympa, franchement. C'est dans celui-là qu'il y a un truc avec plein d'insectes dans une chambre. Oui, des espèces de papillons de nuit, ouais. Mm-hmm. Et c'est dans celui-là qu'il y a une main dans la gorge. Oui, c'est-à-dire que la fille qui est possédée va, sent qu'elle a des douleurs dans la gorge, elle va regarder, elle va foutre une lampe, elle va s'éclairer la bouche avec une lampe de poche face à un miroir, et elle va voir deux doigts lui sortir de la gorge, arriver sur sa langue. C'est une image qui m'avait marqué dans la bande-annonce. Moi aussi. Je me rappelle de ça. Oui, possédé, j'ai vu quelques extraits, j'ai pas pu voir le film encore, malheureusement. C'est prévu. Mais ça avait l'air, ma foi, fort sympathique, et ça me fait penser à notre film d'horreur juif, The Vigil, qui était de... The Vigil, après, Vigil n'a pas d'exorcisme en tant que tel, vu que ça va être plus... le personnage est tout seul, de toute façon, dans The Vigil. Mais c'est vrai que qui est à changer de religion, enfin, qui est resté sur la religion juive et changé par rapport au catholicisme, The Vigil, Je suis pas le plus grand client, mais ça reste regardable. Bah, c'était réalisé par Keith Thomas, qui était quelqu'un d'assez intéressant et qui avait réalisé un segment, si je dis pas de bêtises, pour. Non, Keith Thomas, oui, je crois que c'est lui, qui avait réalisé un segment pour l'anthologie Guillermo del Toro, non? Il me Ah, semble, les et je chances. crois, alors je crois aussi que c'est lui qui avait réalisé l'abominable Firestarter, le dernier en date avec Zac Efron, qui était un cauchemar absolu, mais qui avait réalisé un segment pour l'anthologie de Guillermo del Toro, qui était, ma foi, assez sympa. Mais après, The Vigil, qui est plus un film de possession C'est maison ça, hantée, donc. il a réalisé l'épisode 5, Pigman's Model. Oui, bah qui était super, qui était avec Crispin Glover, qu'on voit trop rarement, et donc déjà le court-métrage mérite l'attention juste pour ça. Crispin Glover, je l'ai. Alors, un film que j'ai découvert cet été totalement hors sujet, mais j'ai découvert Charlie's Angels cet Chef-d'œuvre, été. alors c'est le 2 le chef-d'œuvre, le 2 il est trop bien. Alors, j'ai découvert les trois pendant l'été. Ah ouais, 2, non 2, oui, le 2 Mais ouais. vraiment, le personnage de Crispin Glover. Ah, c'est compliqué, hein, mais C'est non, mais compliqué, après, mais. moi, un rôle que j'adore, C'est une époque, c'est une qu'on époque. oublie, mais c'est Willard, de Glenn Morgan, Ah, que j'ai pas encore qui est vu. super, qui est super, qui est vraiment, vraiment très sympa, et qui en plus, dans cette logique de remake des années 2000, s'en sort vraiment bien. En plus d'être assez léché esthétiquement, enfin, c'est vraiment un plaisir. Mais donc, Crispin Glover, pour ceux qui savent pas, George McFly. Oui, ou alors cet individu qui, dès qu'il vous regarde dans les yeux, vous donne à peu près envie de vous jeter quelque part plutôt que de continuer de le regarder. Bah, autre film d'exorciste, alors plus sympa, alors là ça va être mes deux petits chouchous, je les mets en avant, voilà mes deux préférés. May the Devil Take You 1 et 2 de Timo Giacinto. Alors Timo Giacinto, moi c'est un auteur que vraiment j'adore. Alors il s'était déjà fait remarquer avec Kimo Stambol, alors c'est un Indonésien, sous le duo Mo Brothers. Alors ils ont fait un film, un court-métrage que j'ai pas encore vu qui s'appelle Dara, qui a la réputation d'être bien bien gore. Ensuite ils avaient fait Macabre, qui était une espèce de relecture d'À l'intérieur, mais qui est bien bien bien vénère Ok. aussi. Ils avaient fait Killers, qui était un film bien perché où un tueur en série se fait poursuivre par un flic. C'était bien fucked up, mais c'était vraiment super. Ils avaient fait Headshot, qui était un espèce de Sous the Raid, toujours aussi énervé. Tu me l'as conseillé, j'ai le Blu-ray, je l'ai pas C'est encore vu. super, Headshot. Enfin, super, l'histoire a aucun sens, mais t'inquiète. Ensuite, ils Mais se sont séparés. comme relativement souvent en Indonésie. Oui, avec Timo Giacinto. Oui. Et Timo Giacinto a continué en solo. Alors, il a bossé avec Gareth Evans, Dieu. Il a participé Que au j'ai segment rencontré. de VHS 2 en faisant Safe Haven, qui est de loin un des meilleurs segments de VHS. Toujours de la saga VHS. Toujours dans la saga VHS, il a réalisé le deuxième meilleur segment, à savoir The Subject, dans VHS 94, qui est, pour ceux qui l'ont vu, Doom, l'adaptation de Doom. Et gros les curieux, VHS 85 vient de sortir sur Shudder. J'ai pas encore pris le temps de Moi le non voir, c'est plus, prévu, c'est prévu, mais c'est prévu. avec le segment de Scott Derrickson. Oui, et le segment de. Il n'y a pas le segment de celui qui fait The Ritual, David Bruckner? Je Une crois qu'il est chance. dedans. Et ensuite, donc, Timo Giacinto, il a fait d'autres films, il a fait l'excellentissime The Night Comes For Us, alors l'excellentissime Oui. scénario qui n'a aucun sens, mais peut-être un des films de baston les plus vénères Et que vous les mieux pourrez mis en voir. scène. Vraiment, c'est un vrai plaisir. Et ben, en fait, c'est qu'un réalisateur qui est jamais démonstratif, mais qui est toujours inventif. Ouais, Bruckner est bien sur 85. Voilà. Il a toujours une idée pour amener un peu de fun, pour amener du didactisme dans ses films. Et en fait, May the Devil Take You 1 et 2, imaginez un peu un croisement entre Evil Dead, alors les deux premiers de Sam Raimi, et un petit peu celui de Fede Alvarez, James Wan, et on va dire alors ça peut paraître compliqué, mais l'exorciste du Vatican, on y reviendra juste après. Mais en fait, alors pourquoi ça? Evil Dead pour le côté mise en scène un peu fofolle, qui va avoir quelques images, et surtout quelques images bien marquantes, et surtout le côté maison abandonnée quelque part, groupe qui réveille une malédiction, pouf, ça tourne mal. James Wan pour certaines scènes de tension absolument brillantissimes dans le 1 comme dans le 2. L'exorciste du Vatican pour la connerie du script, surtout dans le 2. Bref, toi tu as vu le 1, pas encore le 2. C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses de May the Devil Take You? Alors, je l'ai. Il y a des chances que je le confonde avec un autre film parce que je l'ai découvert dans un mouchoir de poche avec un film qui s'appelle Wither. Je l'ai revu hier soir, donc t'inquiète, je Ok. suis au taquet. Parce que, en gros, je me faisais des Evil Dead-like à ce moment-là. Et donc, bah, comme tu dis, MTTQ, c'est le. Oh là, l'articulation était aux abonnés Bah, absents. c'est le Evil Dead Que indonésien. le diable vous prenne! C'est le donc le Evil Dead indonésien et Wither c'est le Evil Dead scandinave qui est suédois si je m'abuse Ouais. et donc il y a des chances que je confonde un peu certaines scènes des deux Je veillerai. mais les deux sont assez tarés vraiment dans l'ensemble et vraiment récréatif à voir. Ça, c'est. N'hésitez pas à y aller. Bah en fait, Le 1 est sur Netflix, le 2 est sur Shudder. ouais, bah en fait, ce qui est passionnant avec My Ultimate Volte Q, c'est que, au-delà de retrouver la générosité caractéristique de Giacinto, c'est-à-dire qu'il y a de la torture à base de poupées vaudou, il y a du visage arraché, il y a de la langue il y a de la langue qui bave, enfin vraiment, c'est bien craspec, il va vraiment singer Sam Raimi sans pour autant le copier. C'est-à-dire qu'il va avoir un côté beaucoup plus proche du Evil Dead de Alvarez, avec un côté très sale ambiance, vraiment c'est pas très drôle, Maze of the Evil Take You 1. Et Maze of the Evil Take You 2, alors que moi je trouve vraiment meilleur, déjà parce qu'il est un peu plus resserré scénaristiquement, les deux films ont malheureusement un petit ventre mou, il va pousser encore un peu les putters, c'est-à-dire que c'est un peu plus inventif en termes de mise en scène, et pourtant ça a été déjà bien dans l'art, il y a quelques plans, c'est-à-dire que pour filmer un dialogue, ce que j'adore, il va foutre la caméra sur la table et faire suivre des objets, enfà, c'est vraiment assez rigolo. À nouveau, il y a de l'effet gore dans tous les sens, il y a du visage arraché, il y a de l'os qui part, enfin vraiment c'est bien craspec. Et le 2 va également élargir une certaine mythologie, en amenant quelques visions assez folles, notamment vers la fin. Donc non, mais The Evil Take You, c'est vraiment inventif, et c'est de loin ce que Netflix peut proposer parmi les meilleurs titres de Netflix en termes d'horreur. C'est dommage qu'il n'ait pas produit. Si le 1, je crois qu'ils ont participé, ça m'étonnerait pas, parce que le 1, c'est un film original. Oui, mais beaucoup de films originaux sont des rachats. Typiquement, pendant le confinement, il y avait La Plateforme, qui n'est pas du tout une production Netflix, qui était un film espagnol Bah, racheté par à Netflix. vérifier, mais il me semble qu'ils ont des billes quand même. Mais Ouais. en tout cas, à Pareil vérifier. pour Squid Game, pareil pour La Casa de Papel, bref, Mais c'est beaucoup de rachats. vraiment, découvrez ces deux petits films-là, après découvrez en général la carrière de Timo Giacinto. Et si jamais les deux films vous plaisent, bah, continuez un petit peu en Indonésie, c'est-à-dire qu'il y a Queen of Black Magic de Kimo Stambol, qui est vraiment, vraiment super aussi, qui est très, très, très, très gore C'est pour le pas lui qui coup. avait fait Satan Slave? Non, bah justement, scénariste de Queen of Black Magic, le scénariste c'est Joko Anwar, qui lui avait fait Satan Slave 1 et 2, Peng Abdi Satan, qui, alors le 1 étant le remake d'un film des années 80, qui est pas nécessaire pour voir l'original, mais qui a des connexions malgré tout, et le 2 qui est sorti il y a pas longtemps, qui est vraiment. Alors en revanche, Maze of the Evil Take You, c'est assez effrayant, les deux Satan Slave, c'est vraiment terrifiant, en revanche. En tout cas, moi, ça me fait vraiment, c'est vraiment des films qui me font très, très, très, très peur, surtout le 2. Okay. Et quitte à partir en Asie, est-ce qu'on parlerait pas un peu de ce qu'a pu faire, que ce soit en tant que réal ou scénariste, Nam Jin? Alors, bah, Naung Jin, bah, qui avait fait The Strangers, qui avait beaucoup marqué à l'époque, alors qui, moi, m'avait fait très, très peur, The Strangers, qui m'avait vraiment terrifié, et qui a également produit et écrit Et écrit. The Medium de Bong Joon-Pisan Tanakoon, qui est un réalisateur sympathique, qui avait fait Shutters et Twins, je crois, un truc avec des jumeaux, mais Peut-être. qui était sympa. Et donc Strangers, on est en Corée, Medium, on est en Thaïlande. Ouais, alors le problème, alors moi The Medium, que j'avais vu il y a pas longtemps, dans The Medium, j'ai souvenir de quelques scènes vraiment effrayantes, j'ai aussi souvenir de 2h30, qui était bien bien longue quand même, Pour le coup, je 2h30. crois qu'il fait 2h15 et Strangers, par contre, fait 2h35. Ouais, c'est des films qui sont beaucoup trop longs en fait, c'est le seul défaut que je leur donne maintenant, mais ça reste des Ouais. films qui sont assez effrayants, enfin, moi Surtout The Medium, Medium, j'ai souvenir de la c'est. fin de The Medium qui est vraiment terrifiante. Ouais, bah, je l'ai vu très récemment, The Medium, il y a. Non, The Stranger, pardon. Stranger très récemment, et The Medium, la fin, ouais, elle est. Et surtout, Ouais. ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des fins de fo enfin, un fin de footage dans le cas de The Medium qui fonctionne autant, en fait. C'est. Ouais, alors pareil, fin de footage, mais qui assume pas totalement, c'est-à-dire qu'il y a clairement des scènes qui peuvent pas être tournées en fin de footage. Oui, mais pour le coup, ça participe au dispositif du Oui, film parce bien que ça sûr. amène vraiment des scènes de. Enfin, à nouveau, il y a vraiment des scènes de. Comment dire, vraiment des scènes où juste le possédé sourit et qui sont mais terrifiantes. Enfin, Ouais. vraiment, c'est. Ouais. Enfin, vraiment, The Medium, moi je recommande. The Stranger, je l'ai pas vu depuis sa sortie, donc ça fait quelques temps maintenant. Mais à fond, Mais moi, c'est j'ai un sur The souvenir Medium. vraiment, vraiment terrifiant. The Medium, vraiment, allez-y à fond. Ça, et bah, alors un autre film que j'ai dans ma liste, bah, L'Exorciste du Vatican, qui était sorti l'année dernière, qui était Non, d'une. c'est cette année. Cette année, L'Exorciste du Vatican? Ouais, c'est cette année, je Possible. crois, ouais. Qui était d'une connerie C'est sans nom. totalement débile. Qui C'est. est réalisé par Julius Avery, qui avait fait Son of a Gun avec Ewan McGregor, si je dis pas de bêtises, qui Pas était très vu. sympa, qui avait fait Overlord, qui était très sympa, mais un peu long, mais très sympa quand même, Ah ouais. qui avait en tout cas une maîtrise technique au service d'un sujet complètement bis qui était à son service. Le seul problème, c'était que il faut vraiment réduire la première partie, et sinon c'est plutôt sympa. Il avait fait Samaritan sur Prime, Ah, avec Stallone qui là. était une bonne merde aussi, qui Pas était vu, mais pas vraiment vraiment envie. de la merde. Et il fait l'exorciste du Vatican avec Russell Crowe dans le rôle de l'exorciste, enfin, qui se place quand même en biopic officiel Du père à du morte. père Amort. Alors, C'est le film est pas dégueu, mais il vaut le coup juste pour une scène de fin complètement lunaire où les prêtres se jettent des crucifix comme s'ils étaient dans un John Woo. Ça a aucun sens. Alors, Russell Crowe avec un accent italien, ça n'a aucun sens. Russell Crowe qui tape Italie, Espagne en moins de 2 jours sur sa Vespa, ça n'a aucun sens. Le film est très rigolo, mais c'est... Waouh! j'aime beaucoup le comparer à Malignant, c'est-à-dire que là où Malignant. Malignant est un peu plus généreux quand même. Ouais, mais les deux sont tout aussi teubés. C'est des authentiques nanars, ça on peut pas leur retirer Les ça. deux sont tout aussi teubés, L'écriture des deux films, c'est tout aussi généreux. Les deux sont vraiment écrits comme des films d'action, mais l'un pour les films d'exorcisme et l'autre pour... Les giallo. Je sais même pas ce qui est censé être C'est Malignant. censé être un giallo, c'est vendu comme tel. Enfin, en tout cas, James Wan l'a pensé comme un giallo. Ce qui, quand tu le vois, ne saute pas aux yeux tout de suite. Non, parce que genre, on me dit Diallo, je pense couleur vive. Et c'est pas ce qui transparaît de Malignant. Non, mais moi ça me rappelle Jon Favreau qui sur Iron Man 1 dit ouais, ça m'a rappelé la prod d'un film indé. Non. Non. Non, ça, non, non, mais c'est en fait l'exorciste du Vatican, ce qui était le plus amusant. Après, moi je peux pas empêcher de me dire, je vois plus de liens entre l'exorciste du Vatican et l'exorciste qu'entre l'exorciste dévotion et l'exorciste. Et en vrai, Ah c'est bah. triste, mais c'est vrai. Ah bah, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Non mais c'est assez fascinant, mais c'est vraiment un film qui est très rigolo. En tout cas, et qui en plus est pas trop long, il fait moins de 2 heures. Enfin Ouais. vraiment c'est. Enfin, en tout cas, c'est un authentique nanar dans l'écriture, comme on n'en fait que trop peu, faut vraiment garder ça. Et moi ce que j'attends c'est les quoi? Les 500 suites, je crois, il y a 499 portes dans le film. Enfin c'est un truc, il y a une espèce Ouais. de lore dans le film où il y a 1000 portes, je sais plus combien. Moi j'attends les suites. J'attends vraiment les suites où il Moi va aller les aussi. fermer une par une. Ça. Tant qu'on est sur les films teubés, est-ce Vas-y. qu'on... Alors, celui-là, je vais en parler solo parce que tu l'as pas encore vu, mais... Et tu le verras peut-être pas, on ne sait pas. Mais... Y a-t-il un exorciste pour sauver le monde? Je suis pas là. A.K.A. l'exorciste en folie, A.K.A. Repossessed. Ça me donne tellement envie de le voir, c'est faux. Avec Leslie Nielsen et Linda Blair. On est dans les années 80, 90, non 80 je crois, fin 80, on est en 86 il me semble. Ouais, fin 80. Et, alors, c'est très débile, on est sur une vibe Zaz, mais mauvais Zaz, genre Scary Movie 3, Genre les frères Wayans, bélo Non, non. Ne compare pas les As à des blagues de caca, s'il te plaît. Les Wayans sont pas sur le 3. Mais les Wayans ont fait des blagues de caca dès le 1. Oui, Voilà. mais David Zucker a fait des blagues sur Michael Jackson Ah, dans le non, et 3. quel enfer. Enfin, bref, quel enfer. Scary Movie, notre grand point de dissension. Ouais, j'aime beaucoup le 1. Le reste Oh, moi, est. dès le 1, je m'arrête. Hein. Fait bref, et donc l'exorciste pour sauver le monde, c'est bien. Pas trop. Ouais, Pas dès trop. le titre, je m'en doutais pas. C'est C'est ça. dans quel Scary Movie qu'il y a cette scène cataclysmique de non-drôlerie où il y a une plante qui fume un humain? C'est le Non. 2. Oh. C'est le 2. Et d'ailleurs, la scène d'intro du 2, on a justement une parodie de l'exorciste avec. C'est là où il se fait pisser dessus. Et il se fait vomir dessus. Ils s'entre-vomissent tous dessus. Ah, le pic de l'humour. Voilà. Alors, pour contextualiser, quand les Wayans font Scary Movie 1, on est en 2000. Donc c'est-à-dire cette vague de parodies de merde n'avait pas encore démarré avec les deux salopes. Friedberg et Seltzer. Voilà, les deux Voilà. salopards. Sauf que ce qui se passe, c'est que les Weinstein, voilà, qui au-delà d'être des humains de merde, sont des producteurs de merde. Bon, qui ont eu le mérite dans les années 90, il faut le rappeler quand même, de mettre en avant certains auteurs, mais qui étaient de loin parmi les pires saloperies d'Hollywood. Voilà, mais on n'en parle que en tant que humain de merde, mais en tant que producteur. Ils sont pas vernis non plus, quoi. Voilà, et entre autres, ils ont forcé, plus ou moins forcé les Wayans, décidément, entre Weinstein et forcer des gens à faire des trucs qu'ils veulent pas, il n'y a pas que dans le sexe. Voilà. Mais, donc, ils forcent les Wayans à faire Scary Movie 2 en un an. C'est peu. C'est très très peu, et c'est beaucoup trop peu au final quand on voit le résultat qui est le plus gros potentiel gâché de la série, c'est-à-dire qu'à partir de 3, le 3 qui est peut-être le moins pire après le départ des Wayans, mais bref, encore le niveau du 3 c'est pas non plus excellent, mais en gros le 2, les Wayans avaient toutes les meilleures volontés du monde, dans une interview, ils disent qu'ils ont regardé plus d'une centaine de films d'exorcisme, vu ou revu plus d'une centaine de films d'exorcisme, et de maisons hantées en général pour préparer ce film. Sauf qu'au final, tu sens la pression des Weinstein derrière. Tu sens qu'ils ont voulu pousser au cul et au final, le film est vraiment bâclé. Et c'est très dommage. Mais bon, ils feront quand même d'autres trucs derrière que je considère comme assez fondard quand même. Ils ont fait quoi d'autre? J'aime beaucoup Faussement Infiltré. C'est eux? C'est eux, Faussement Infiltré. Ah putain, à ce moment-là, c'est plus une carrière, c'est un casier judiciaire. Ouais, alors t'as pas vu Little Man. Non, mais c'est pas prévu. Enfin, quoique, moi, l'un des deux frères, je sais plus lequel, m'a surpris parce qu'il était. Alors ils sont beaucoup, ils sont plus Je que vais deux, pas hein. dire qu'il était bon. Je vais dire qu'il était étonnamment pas mauvais. Dans un film d'un réalisateur qui est normalement un vrai chat noir et qui là pour le coup était étonnamment moins mauvais que d'habitude, qui était The Curse of Bridge Hollow, qui était un film de Jeff Wadlow. Alors Jeff Wadlow, pour ceux qui voient pas, Ouais. Kick-Ass 2, Action Vérité, Nightmare Island. Enfin, il a fait un film relativement bon dans sa carrière qui est Cry Wolf, qui est un espèce de Il slasher paraît. années 2000. Après, je suis pas un hater de Kick-Ass 2. Oh, quel enfer! Kick-Ass 2, quel enfer! Avec le gag du sexe, enfin. Ah! Quelle horreur! Mais donc voilà, et donc Jeff Wadlow, il a fait ce truc sur Netflix qui. J'en avais parlé dans mon bilan, que d'ailleurs je ne finirai pas, c'est trop long, enfin bref, voilà. Mais j'en avais parlé rapidement, en gros, c'est un peu comme une maison hantée. C'est-à-dire, c'est trop long, ça c'est sûr. Mais si vous êtes preneur de gags un peu bêta, de sincérité, de générosité, allez-y, c'est assez rigolo pour tenir la route. Comment ça s'appelle? The Curse of Bridge Hollow. Et puis, Ah, le mauvais esprit d'Halloween. Ouais, je voilà. sais. Et il y a l'un des frères Wayans, c'est l'un de, je sais pas lequel, Marlon. Marlon C'est Marlon Wayans, Wayans. qui découpe des squelettes à la tronçonneuse sur un CDC. Ça se refuse pas, indéniablement. Alors, Marlon Wayans, si je dis pas de conneries, c'est Shorty dans les Scary Movie, celui qui se fait fumer par la plante, Ouais, justement. c'est lui. Voilà. Marlon Wayans qui est peut-être. Après, ils s'en sont tous plus ou moins bien sortis, c'est-à-dire que bah, dans l'eau, le réal, c'est Kenan Ivory Wayans, qui est bah, du coup le réal des deux premiers Scary Movie, le réal de Faussement Infiltré, de Spoof Movie qui est une très bonne parodie de Hood Movie. Voyez Spoof Movie, c'est très cool. Et après, dans l'eau, il y a Damon Wayans, je crois que c'est Damon, qui est bah, le père dans Ma Famille d'abord. J'avoue que j'ai jamais vu. Alors c'est très cool, fait d'abord, c'est assez marrant. Et donc Marlon, qui est bah, vraiment plus le scénariste du groupe pour le coup, qui a écrit les deux Haunted House, qui sont donc des parodies, qui sont les scary movies du film paranormal, en gros. Ah, quelle chance. Moi, n'étant vraiment pas client de leur style, c'est pas. Je mets pas ça dans mes listes. Avec notamment les deux parodies plus ou moins Paranormal Activity. Et dans chaque film, t'as d'autres parodies, et notamment dans le 2, une parodie bah, de Possédé, justement, on y revient. Et les deux sont dans une veine scary movie moins, disons. Ok. Voilà. Bah, si on reste sur les films relativement sympathiques, moi j'ai plutôt un peu. Hein, tu vois, on va plutôt repartir sur les daubes. Moi j'ai trois daubes que j'ai envie de fusiller. Je t'en prie, sors les calaches. The Demon Inside de ce salopard de William Brent Bell. Alors. William Brent Bell, c'est quand même quelqu'un qui devrait arrêter de toucher aux caméras parce qu'il a quand même fait The Boy, il a quand même fait The Boy 2, il a fait. The Boy 2, c'est irregardable. Ah, si, regardez, il a fait Stay Alive, il a fait Stay Alive, qui est aussi une belle purge, il a fait Esther 2, C'est FKM de vache pour Stay Alive. Esther 2, qui, on le rappelle, a un début de film qui est flou, hein, la mise au point n'est pas faite, qui a fait Séparation, qui est un film qui, sur le papier, est incroyable, dans les faits, est une merde infâme. Je vous invite à lire le synopsis de Séparation, à rêver et à ne pas voir le film. Ça, et il a fait The Devil Inside. Alors, The Devil Inside, bah, c'est ça, vous prenez tous les clichés du film d'exorcisme, vous le mettez dans un même truc. Ça fait 1h23, ça arrive quand même à être chiant. C'est pas cette connerie où sur l'affiche t'as un perso qui a une croix à l'envers sur la lèvre? Si, c'est celui Ouais, où, dans la même affiche, t'as une nonne avec des yeux blancs. ok. Ouais, Ouh, j'ai voilà. le DVD de ce truc-là. C'est irregardable, enfin vraiment c'est hyper dur et ouais William Brent Bell faut vraiment qu'il arrête. En deuxième film bien bien bien pourri, Une proie pour le diable de Daniel Stamm, La proie du diable, non? La proie du diable pardon, Ah, c'était pas bien ça! Daniel Stamm qui avait fait un film sympa qui était le dernier exorcisme, qui Ouais. était un found footage assez malin et qui en plus d'être assez malin avait le mérite d'amener un personnage assez unique dans le paysage du film d'exorcisme, un personnage qui se fait passer pour un croyant qui ne l'est pas. C'est un personnage cynique qui était plutôt sympa, le film était assez efficace, bon, sa suite, elle est vachement moins. suite écrite par Damien Chazelle. Et alors, Daniel Stamm, alors, à son crédit, il a fait un truc à relativement bonne réputation qui s'appelle 13 Sins. Pourquoi pas, mais toujours est-il que La Proie du Diable, c'est vraiment de la merde. Alors, en plus d'avoir un bon sous-texte bien dégueulasse sur l'avortement. C'est ça, si tu te fais avorter, bah, tu mérites d'être possédé. Voilà, voilà. Ça, si tu tombes enceinte, en dehors du mariage, chétane. Bah non, mais aussi... Déjà, tu cherches. Voilà. Et si tu t'avortes, bah meurs, en fait, simplement. Voilà, bref, bon gros film de merde, et qui surtout... En fait, comme d'habitude, ne fait pas peur. C'est-à-dire, qu'est-ce que le film emploie pour faire peur, hein, dès le début du film? Des petites filles. Ouh. Voilà, vraiment, vraiment une bonne grosse merde. Alors moi, il y en a un dernier que j'aime pas du tout. Alors, qui va en plus permettre de rebondir sur un film qui, lui, pour le coup, est plutôt sympa, qui est Délivre-nous du mal. De Scott Derrickson. Alors, Scott Derrickson, on le connaît évidemment pour Sinister, qui est un très bon film, pour Black Phone, qui est très sympathique. Pour Doctor Strange, mais en fait, peut-être un des meilleurs du MCU. Oui, potentiellement, mais on oublie un truc avec Scott Derrickson, c'est que ça reste un catoporn. Hein, et faut voir Hellraiser 5, il faut voir Délivre-nous du mal, qui est... Enfin, nous, Sinister, on le voit pas trop, parce que c'est quand même bien glauque. Mais Délivre-nous du mal et Hellraiser 5, c'est du pur catoporn, en fait. Et même Black Phone, on l'oublie, mais il y a ce personnage qui fait « Merci, Jésus ». Merci Jésus de nous avoir sauvés. C'est ça, et ça m'a pas marqué. Je l'ai revu très récemment pour le coup, mais ça m'a pas marqué. Ah si, la petite fille qui prie Jésus dans sa petite maison de poupée. Ah si. Et moi, Black Phone, n'empêche, il y a un truc qui m'explose de rire. C'est le personnage qui veut draguer sa camarade de classe, qui lui parle pas. À la fin, ça passe dans tous les journaux qu'il a tué quelqu'un. Et elle le regarde genre, tu me plais bien maintenant que tu as buté un homme. Enfin, je sais pas, c'est assez amusant. Pas de main de notre chaîne. Mais c'est ça, et en fait, Délivre-nous du mal, bah c'est pas bien, en fait, avec Eric Bana qui... Alors, bon, je dis, c'est pas bien. C'est mieux que La Proie du Diable, Devil Inside, Lazarus Effect, qui est pas vraiment un film d'exorcisme, plus un film de possession, mais qui est un des pires films dans le domaine, qui a un sous-texte dégueulasse sur les femmes, l'avortement, la vie après la mort en général, enfin bref. Lazarus Effect, c'est vraiment un enfer. En plus, je me rappelle, j'ai vu dans une soirée un double programme avec Pyramide de Gregory Levasseur. C'était une très bonne soirée. Pas du tout. Mais je l'ai vu au ciné à l'époque, Pyramide. C'est dur. Je me rappelle juste avoir entendu un gosse qui criait pendant les bonnes annonces. Moi, je me rappelle... Il y avait un gosse dans la salle pour Pyramide. Je me rappelle y aller en me disant « Ah, ça va être trop bien !» et voir le Anubis numérique et faire... c'est vraiment très très compliqué, c'est vraiment hyper dur. Mais vraiment Délivre-nous du mal a le mérite pour lui d'avoir une ambiance qui fonctionne à peu près. Je t'avoue que je l'ai pas vu. Bah, on n'est pas dans Sinister, mais ça fonctionne à peu près. Il y a vraiment un script qui est vraiment nonsensique. Pour ce qui est de rester chez Derrickson et Emily Rose. Emily Rose, voilà. Qui est un peu catoporn aussi, hein. Qui est un peu catoporn, mais qui fonctionne plutôt bien. C'est lui qui mélange le film de procès. Ouais, c'est ça. Et voilà, qui du coup arrive à s'en sortir comme ça. C'est pas mal. Bah, film de procès, Conjuring 3, qui... C'est compliqué. T'inquiète, il était possédé, et je te jure, c'est vrai. Non, enfin... Conjuring... Bah, après, les Conjuring, c'est pas vraiment l'exorcisme. Enfin, le 1 est un... Le... À peu près ça. Le 1 est un film d'exorcisme. Ouais, mais c'est plus de la possession. Mais l'exorcisme, enfin, Conjuring 3, quel cauchemar. Et en plus, le 4, qui ne... ne font pas du rêve non plus. On avait parlé de la Nonne 2 en avis rapide, mais la saga Conjuring, c'est un peu comme Saw. Hein. C'est... Arrêtez, vraiment. Enfin, c'est vraiment compliqué. Et d'ailleurs, ça me fait penser, vu qu'on est sur James Wan, pour revenir rapidement sur May the Devil Take You 1 et 2. Le 2, c'est un peu le Insidious 2 par rapport à Insidious 1. C'est-à-dire, c'est plus bête, mais ça tente plus de trucs. Ok. Voilà. Parce que j'ai le 2, d'ailleurs, cite ouvertement Insidious 2 dans une scène. J'ai parlé un peu de ciné d'horreur de désert avec un mec qui me dit ouais, moi en ciné d'horreur de désert je connais que Rocky Soria. Je dis ouais, mais c'est de la merde. Oui, non. Voilà. Mais vraiment, enfin, Indonésie, faut vraiment creuser. Faut pas avoir peur de se faire mal, tout n'est pas bien. Mais déjà, tout Timo Jajanto, tout Kimo Stambol, et d'ailleurs son dernier film, Ivana, est sorti et est hyper bien. Ok. Tout Joko Anwar, vous pouvez y aller. Gareth Evans, vous pouvez y aller aussi. Enfin, il n'est pas vraiment indonésien, mais bref, ces films sont super. Parce que globalement, Rocky Soria. Si vous avez un compte Netflix, vous êtes forcément tombé sur des recommandations de ces films. Si vous aimez l'horreur, c'est-à-dire que c'est à lui qu'on doit The Doll, The Doll 2, Sabrina, Kuntilanak, The Third Eye, The Third Eye 2. Kuntilanak, ça se tient encore. C'est à la limite, mais... En fait, l'avantage de Kuntilanak, c'est qu'il y a eu une suite, il y a eu des suites même. Le 3 est sur Prime, et le 3 est pas bien, hein. Il est... Au moins, enfin, on va dire, Quentin Lanack, c'est rigolo. Là où The Doll et Sabrina... Si, c'est rigolo, Quentin Lanack. Je veux dire, c'est tellement crétin que c'est rigolo. Ouais, là où The Doll, c'est chiantissime, en fait. Genre, The Doll, enfin... Robert The Doll, genre, l'affiche vend du rêve. Et le film, putain... Et surtout, tous ces films, enfin, tous les films de Rocky Soria sont des dérivés, soit de films de One, soit de films dérivés de films de One. C'est-à-dire que bah, les The Doll, c'est les Annabelle. Les films de One qui sont eux-mêmes des films dérivés d'eux. Hein. Enfin, c'est ça. Voilà, soyons honnêtes. C'est très efficace, j'aime beaucoup aussi. Hein. Mais voilà, on va dire que l'originalité n'est rarement prête. Sauf dans, bizarrement, Malignant, quelque part. Hein. C'est... Et comme quoi, transformer le cancer en un monstre, ça fonctionne. Hein. C'est ça, parce que... Bah, The Doll, c'est Annabelle, Quentin Lanack, c'est Conjuring, et The Third Eye, c'est totalement Insidious. Mais totalement. C'est Insidious version encore plus débile que peut l'être déjà Insidious 2. Enfin, mais bah, honnêtement, j'avoue, The Third Eye, c'est peut-être un de ceux que j'aime bien aussi, The Third Eye. C'est un des petits plaisirs coupables. Ah, mais très coupable, là. Ah, mais je lui, on va dire, je il, donne... Il a un casier, ton plaisir, ah, là. Ah, mais je donne au crédit de ce salopard... que je passe un meilleur moment devant ces films que devant, à tout hasard, William Brent Bell, tu vois. C'est, oui, dans cette émotion. Ouais, tout plutôt que revoir ça. Mais je sais pas, au moins, en fait, Sabrina... Tu revoir en courir. Alors, pas de ça, pas de film fasciste à ce micro. Pas de Vaincre ou mourir, pas de Sound of Freedom, pas de tout ça, pas de ça chez j'ai moi. J'ai pas vu Sound of Freedom, mais... Pas de ça chez moi. Mais non, et en fait, à dire, au moins Sabrina, il y a un truc... Qui... En fait, on peut pas lui enlever un truc à Rocky Soraya. C'est qu'il a des affiches trop bien. Oui. Alors, juste fun fact. Genre, vous laissez pas avoir par les affiches. Hein. On a pris les balles pour vous, épargnez-vous ça. Mais, faut avouer que les affiches de Sabrina, elles ont quand même vraiment de la gueule. Alors, c'est... J'ai toujours cru que Sabrina était The Doll 3. Mais il y a un The Doll 3. Alors, je vais même. Qui est dispo sur YouTube pour ceux qui veulent. Je vais même pousser, c'est-à-dire que. The Doll, en fait, comment dire, alors, Sabrina, si je dis pas de bêtises, c'est un dérivé de The Doll. De The Doll. Et Sabrina, il y a plusieurs suites, alors si jamais j'essaie d'être à peu près correct. Alors, The Doll, il y a The Doll 2, il y a The Doll 3, il y a Sabrina, et je crois même qu'il y a un Sabrina 2. Mais je sais pas si c'est officiel en projet ou quelque chose. Pas du tout, je t'avoue. The Third Eye. Mais voilà, et alors, Quentin Lanack, je viens de vérifier, il n'a pas réalisé le 3. Il n'a pas réalisé le 1. Ok. Le 1, c'est Rizal Mantovani. Et il l'a produit ou... Je crois... Ou une chose du genre, mais... Je ne trouve rien au sujet, mais il est peut-être quelque part d'accord, derrière. D'accord, bah, si c'est pas le cas, my bad. Okay. Mais Quentin Lanack, le 3 est sur Prime. Et voilà, j'invite les gens à voir le 3, parce que c'est vraiment... Enfin, c'est vraiment rigolo, quoi. C'est vraiment très bête, mais c'est vraiment rigolo. Et si on reste sur Exorcisme, on a le pendant super-héroïque avec Constantine. Oui. Fait par Francis Lawrence. Alors, Francis Lawrence, évidemment, Hunger Games, à partir du 2. C'est pas lui le 1, mais à partir du 2... Slumberland, qui était sorti l'année dernière sur Netflix, qui est pas mal, avec Jason Momoa. Red Sparrow, avec Jennifer Lawrence, qui est super. Qui est la mise en abîme de elle, après la mise en ligne de ses photos de nu. D'accord. Sur Internet. Okay. En tout cas, c'est elle qui l'a vendu comme ça, et honnêtement, ça peut être intéressant. C'est vraiment pas mal. On va dire que... Je suis une légende aussi. Ouais, sous le tapis. Non, c'est pas mal aux deux tiers. C'est pas mal aux deux tiers. On va dire que c'est un technicien très compétent et qui avait fait Constantine, adaptation d'un comics de chez DC. Alors, faut partir du principe qu'il y a une scène post-crédit avec Shia LaBeouf en ange. C'est faut quelque chose qu'il faut s'imprimer. Mais c'est quelque chose qui est pas mal, Constantine. Qui est pas ouais, mal, c'est qui, cool, franchement, Constantine. Qui a le mérite d'amener Keanu Reeves vers un autre terrain que Matrix ou John Wick. C'est-à-dire le non-jeu. Voilà, et qui... Alors, qui fonctionne pas sur tout, mais qui amène quelque chose comme... d'assez noir, on va dire. Il y a un côté Hellboy dans Constantine qui est pas mal. Un peu, ouais. Alors, sans avoir le talent de Del Toro. Il y a un côté très pulp, aussi, qui est assez fun, avec toutes les scènes dans l'autre monde, entre guillemets. Qui est assez rigolo, avec notamment cette image... je suis à peu près sûr que dans ce film-là, tu vas pouvoir m'aider. L'exorcisme par le miroir. C'est t'emprisonnes un truc dans le miroir et tu le jettes. Enfin, c'est assez c'est la scène d'intro, ouais. Honnêtement, c'est assez fun, Constantine. Et avec c'est Constantine. Et, John Constantine pour con. Et en plus, il y a... Il y a une suite qui est en préparation, si je dis pas de bêtises. Il me semble. Toujours par Lawrence, si je dis pas de conneries. Ouais, donc vraiment, c'est assez chouette, Constantine, à redécouvrir. Et il y a aussi Christopher London qui a participé au film d'exorcisme. Alors, juste avant qu'on parte sur ça, Ouais. pour Sid Constantine, je vous conseille aussi les films d'animation Justice League Dark. Oui, il est dedans? Constantine est dans Apocalypse War, Parce ouais. que j'avoue que j'ai vu l'un d'eux, mais je ne saurais plus te dire lequel. Bah, Je l'ai vu dans un état Constantine est le perso approximatif. principal de Justice League Dark Apocalypse War, qui est bah, du coup la suite de Justice League Dark, où en gros, c'est la merde, Batman est aux mains de Darkseid, et il y a une espèce de guerre civile post-apocalyptique sur Terre, avec une résistance menée par la Suicide Squad. En fait, je crois avoir vu des extraits de Justice League de celui-ci. Ok. Et donc, il y a John Constantine Qui est dedans. le perso principal, ouais. Ok, bah, à voir. Et donc, Christopher London a participé à ça. Alors, tu es bien plus client que moi de Christopher London, je te laisse en parler. Donc Christopher London qui a écrit et produit L'exorcisme de ma meilleure amie, Qui est sur Prime. qui est sorti sur Prime l'année dernière, dont tu avais parlé dans tes bilans, je me Ouais. rappelle. Un film où une élève pisse dans une poubelle. Oui. Qui est. Qui est possiblement une référence à la scène de l'exorciste où Reagan pisse dans le salon où il est C'est un invité. peu moins classe quand même. Pff, ouais. Et Après, globalement, le film. le film est Ouais, sympa. enfin, je trouve que c'est du Soul and Done. Vraiment. En fait, ça a le mérite de déployer un sous-texte assez intéressant, assez mignon sur l'amitié. Et j'avoue qu'en fait, contrairement à London, il n'a pas ce côté, je vais pas dire cynique, mais conscient. On va dire, c'est qu'il a un côté très, très premier degré. Que je lui donne, alors tous les gags fonctionnent vraiment pas, mais j'ai souvenir d'un film, alors je l'avais vu l'année dernière, mais je souviens d'un film assez attachant, assez mignon, et qui a quelques scènes assez rigolotes sur la possession. Alors j'ai juste le lieu dans un parc pour enfants. Je sais pas si t'as. Ça me sonne pas une cloche tout de suite. Un truc genre avec un toboggan, ça, enfin je sais plus trop, mais je souviens d'un truc relativement sympathique, en tout cas, qui est assez inoffensif, mais plutôt attachant, et. Oui, clairement, on sentait la patte de London, et c'est dommage que ça manque d'un petit peu de sang, mais c'était assez amusant dans mes souvenirs. Vrai que ça aurait gagné à être un peu plus libéré en termes de. Bah, freaky, en fait, hein. C'est On ça. sait qu'il sait faire du gore, mais. Bah, après, tu me diras, il a aussi fait We Have a Ghost, qui est dispensable, Oui, pour qui est. rester poli, qui fait 2h10, Ouais, putain! c'est très long par contre. Je déteste pas, Bah, mais. il y a David Harbour en fait, c'est difficile de détester parce que David Harbour est tellement adorable dans le film que c'est. Enfin, il a un quota sympathie tellement fort que c'est compliqué de le détester. Peut-être que pour un prochain épisode de Noël, on parlera de Violent Night, je ne sais pas! Peut-être, mais c'est compliqué en fait de détester le film We Have a Ghost, mais c'est vraiment tendu quoi. Après, moi, Christopher London, j'aime bien, genre, Freaky, quand il fait des excès et qu'il va te filmer un meurtre à la bouteille. Même The Marked Ones, qui pourtant est vraiment crétin, bah, il y a au moins des sorcières qui se font tuer au shotgun quoi. Enfin, je sais pas, c'est assez. Il y a au moins de ça. Bah, même c'est Happy Birthday, son. Oui, c'est un personnage qui est évidemment, pardon, mais qui est évidemment plutôt rigolo, donc c'est pour ça. Et j'aime beaucoup aussi son manuel de survie à l'apocalypse zombie. Ah, ça je peux pas. Ça c'est ma limite. Je peux comprendre. Je te laisse C'est ma limite, c'est ma dessus. limite. Tu me laisses avec mes films débiles, je te Bah laisse. moi j'ai un dernier film d'exorcisme qui est plutôt sympa, dont je peux parler, qui est Le Rite de Michael Alvstrom avec C'est Anthony Anthony Hopkins, Hopkins, ouais. ouais, qui est très classique, mais qui est vraiment sympa, et qui. On sent que les acteurs ont envie un peu plus de se donner un peu plus que la moyenne, la mise en scène est un peu plus inspirée, non, ça peut faire le travail. Ou éventuellement Deborah Logan aussi. Mais Pas vu non plus. Deborah Logan, en fait, le problème, c'est que, à part la fin, c'est pas bien, en fait. Par contre, tant qu'on est sur les films un peu teubés, peut-être aller du côté de Hong Kong. Alors, j'ai pas pu le revoir pour l'épisode, je te laisse y aller, mais grand film, très grand film réalisé par un très grand réalisateur. Qui est? L'exorciste chinois, alors bah, Sammo Hung, qui est un chorégraphe hongkongais. Il a réalisé que le 2, je crois. Sammo Hung, Il me semble je qu'il a réalisé que le suis à 2. peu près sûr qu'il a réalisé le 1, parce que pour le coup, en fait, l'exorciste chinois, donc il y a le 1 et le 2, et le 2 c'est Ricky Lau, je suis à peu près sûr. Mais donc Sammo Hung, qui est un réalisateur et chorégraphe hongkongais de génie, en fait, on peut le dire, qui a réalisé Wheels on Mills, qui a réalisé Dragon's Forever. T'as raison, c'était l'inverse. Le 2 c'est Rikilo, le 1 c'est Sammo Voilà. Hung. Qui a réalisé Eastern Condors, Lucky Star, qui a chorégraphié je sais pas combien de grands films, qui a aussi joué enfin dans Ip Man 2, dans Touch of Zen, dans Enter the Dragon, dans beaucoup trop de films en fait, mais qui est carrément un très très grand acteur, qui a également joué dans SPL de Wilson Yip, qui est un putain de film avec Wu Jing, Simon Yam, Donnie Yen, enfin, vraiment un très très très très grand réalisateur, et qui a donc réalisé cet Exorciste chinois. Je te laisse en parler, tu l'as vu plus récemment, je crois. Ouais, alors l'Exorciste chinois 1 et 2, on est sur des films bah, qui vont. Donc, des films un peu d'exorcisme, mais pas trop, qui vont surtout faire la part belle ben, à la comédie et à l'action, et on est sur de l'action hongkongaise, hein. Donc c'est bien mis en scène par Samung, donc c'est bien. Et franchement, c'est un visage différent du cinéma d'exorcisme qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui fait franchement du bien. J'ai souvenir d'un film à la fois très étrange et en même temps qui ressemble à tellement rien d'autre Ben que c'est ça. c'est vraiment hyper attachant, et le 2 est bien C'est aussi. ça. Moi, si je devais le comparer à un film, ce serait peut-être Histoire de fantôme chinois. Oui, et encore, parce que l'histoire de fantôme chinois a un côté plus baroque, C'est vrai, c'est là où vrai. Scary Encounters, The Spooky Kind, donc l'exorciste chinois, est un côté plus timbré en Goofy, fait, vraiment ouais. vraiment timbré. Et alors le 2, faut le voir. En fait, le 2. La fin du 1 avec des espèces de voix de cartoon en accéléré. Bah écoute, un jour je te montrerai un truc qui s'appelle Sex and Zen avec le 2. Alors, c'est dans le 2. Une flûte qui n'est pas jouée par la bouche. Un film qui s'appelle Sex and Zen, à ton avis. Je veux pas dire, mais tu as déjà ça dans les nouvelles aventures d'Aladin. Faut vraiment savoir aller se faire foutre. Hein. Non mais vraiment, Sex and Zen avec. Et en plus, dans le 2, il y a Chouki. Et dans le 2, il y a Chouki, et c'est trop Chouki, bien. Chouki, Chouki les poupées dessin? Non, Chouki, c'est trop bien. Non, en plus, Sex and Zen, qui est le catégorie 3 le plus rentable à l'international. J'adore Hong Kong. Non, donc oui, donc l'exorciste chinois, donc enfin, bref, ça fait déjà une belle liste. On arrive à bientôt 1h26. Je propose qu'on arrête là, c'était un format plus court que d'habitude. Plus détente. Voilà, donc plus du name dropping, on essaie juste de donner des noms de films sympas ou de films pas sympas qu'il faut éviter. Bref, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter, faire des retours, etc. On vous Et. invite évidemment, comme tu dis, à faire des retours. On mettra sûrement sur le compte Insta des stories où vous pourrez nous donner votre petit baromètre des films qu'on aura abordés pendant Voilà, si l'épisode. ça vous a plu ou pas, évidemment. Et on se dit, alors rendez-vous dans 3 semaines, on espère, si les emplois du temps le veulent bien, pour un épisode qui devrait être celui de Noël, C'est a ça, priori. on est un podcast beaucoup basé sur l'Inch'Allah. Ouais, beaucoup basé sur la théorie, on va dire. C'est ça, et qui marche pas toujours. Ouais, mais on ne lâche pas et on reste là, bref, on espère. Et on espère que vous serez là la prochaine fois, donc voilà, à plus Merci tard. beaucoup.